Alors, je commence mon discours. L'homme croit que l'invisible existe. L'homme appelle ou nomme ou dénomme l'invisible comme étant cette qualité de la réalité qui n'est pas perceptible à ses sens. L'homme a donné le nom, le terme invisible à quelque chose qu'il ne voit pas. Et je vous dis aujourd'hui que l'invisible n'existe pas. L'invisible n'existe pas en lui-même. C'est l'homme qui ne voit pas. Les outils de l'homme ne sont pas raffinés. Et si les outils de l'homme étaient raffinés, l'homme pourrait voir. Et l'invisible n'existerait pas. Mais comme l'homme ne voit pas, l'invisible existe. Et lorsque nous ne voyons pas une chose, et que cette chose, à un moment donné de notre vie, fait irruption soudainement dans notre vie, nous vivons la crainte de cette chose. Et lorsque l'invisible fait irruption dans la vie de l'homme, comme il le fera dans les années qui viennent, l'homme craint à la fois l'invisible, et aussi il craint les dénominations qui proviennent de l'invisible. L'homme, dans son ignorance et à cause de son émotionnalité, a perverti la réalité et a senti la nécessité au cours des âges de penser en termes de bien et de mal, de bon et de mauvais, de satanique et de lumière. L'homme apprendra demain que lorsqu'il est dépourvu de l'esprit de ses émotions, il est dépourvu de la crainte. Et lorsqu'il est dépourvu de la crainte, il n'est ni affecté par les ténèbres, ni affecté par la lumière. Et lorsque l'homme n'est plus affecté par la dualité, il peut travailler avec les forces sans que la dualité n'impose sur son esprit une crainte qui retarde le pouvoir de sa volonté et empêche d'exécuter sur le plan matériel ou éthérique les formes essentielles à la construction d'une nouvelle civilisation. L'homme est tellement loin de l'invisible émotivement que des années sont essentielles pour défaire ce qui a été fait. Et pourtant, l'homme est plongé, vit, coude à coude avec l'invisible et ne le voit pas. Et cette situation est terrible parce qu'elle force l'homme, par le biais de ses sens, de se retourner constamment vers la matière, et de chercher dans la matière et le mode d'expression de cette matière en relation avec sa psychologie, des formules qui doivent assurer son esprit en relation avec l'invisible. Viendra un moment dans les années qui viennent où les hommes seront donnés petit à petit de voir, même furtivement, dans l'invisible, afin de les ajuster, afin de les préparer, afin de leur faire sentir ce qu'est l'invisible. Et cette expérience sera essentielle, et sera forte, et elle permettra à l'homme de se dissuader de ses craintes, afin de pouvoir ouvrir l'œil éventuellement vers ces mondes parallèles. Nous concevons tout. Tout nous concevons. Et pourtant, rien ne se conçoit. Et tant que nous concevons, nous avons l'impression que notre conception révèle d'une façon ou d'une autre, plus ou moins approximative, la réalité. Je vous assure que la réalité n'a aucune correspondance avec les conceptions que vous avez d'elle. Car si vous aviez une conception de la réalité, vous seriez déjà dans cette réalité. Vos intérêts personnels pour la forme de la réalité, pour le point de référence vers cette réalité. Sont des liens qui vous tiennent dans l'émotion de votre propre psychologie et qui vous empêchent de faire face à votre propre réalité sur le plan matériel sans vous occuper de l'autre. Le plus grand problème que confrontent les hommes qui vont vers la réalité, c'est de ne pas réaliser que la réalité est active, manifeste et consciente sur tous les plans, même sur le plan matériel. Et c'est sur le plan matériel que doit commencer la pénétration de cette énergie de la réalité. Mais vous invoquez constamment dans votre esprit des espoirs. Vous invoquez constamment dans votre esprit des espérances. Et vous ne pouvez pas vivre d'espoir et d'espérance. Parce que tant que l'homme vit d'espoir et d'espérance, il vit à la hauteur de son ego subjectif. Il n'y a pas d'espoir dans la vie. Et il n'y a pas d'espérance dans la vie. Il y a simplement la conscience de la vie et le savoir du développement de l'orientation et du développement de cette conscience et du pouvoir dans l'homme et des multiples aspects de son potentiel éventuel. Mais vivre d'espoir est une faiblesse de l'ego, une béquille de l'ego. Et un jour, cet espoir doit être détruit. Et lorsque l'espoir est détruit en l'homme, il ne lui reste plus rien. Dans la pénétration de cette énergie, l'espoir de l'homme devra et sera détruit. Parce que tant que l'homme a de l'espoir, il vit dans le passé de ses pensées. Car l'espoir est fait construite du passé des pensées et cimenté par l'émotion qu'il a de la valeur de ses pensées. Il y a dans la réalité des intelligences qui servent constamment à obstruer l'évolution de l'ego. Il y a dans la réalité des intelligences qui servent constamment à aider l'évolution de l'ego. Et le combat entre ces intelligences dans la réalité se manifeste sur le plan matériel et se manifestera sur le plan matériel. L'homme, lui, qui se situe entre ces deux réalités, ce qui se passe dans l'invisible et ce qui se passera sur le plan matériel, que doit-il faire? Subir les jeux de l'esprit qui font partie du conflit dans la réalité ou subir les événements sur le plan matériel qui font partie de l'extension du conflit de la réalité dans la matière. L'homme doit être neutre aux deux aspects de ce conflit. L'homme doit être neutre à la fois à la manipulation vibratoire des formes exigée par la loi du mensonge cosmique et imposée dans l'esprit de l'homme pour la transformation de son corps mental, autant qu'il doit être libre des formes manifestées sur le plan matériel, dans la matière, dans les contingences de la vie matérielle. Et ce n'est pas facile. Mais c'est essentiel. Parce que tant que l'homme n'est pas capable d'asservir à son propre esprit, l'esprit dans l'invisible, il est incapable de travailler avec la force de cet esprit. Regardez ceux qui ont apporté un peu de lumière à l'humanité. Regardez la Blavatsky. Et vous verrez que la Blavatsky a combattu pendant 30 ans avant de pouvoir contrôler les forces de l'esprit. Et l'homme doit contrôler les forces de l'esprit. Et ce n'est pas par la spiritualité et la forme spirituelle qu'il contrôlera les forces de l'esprit, parce que c'est par justement ces formes que l'esprit contrôle l'esprit de l'homme. Je vous le dis aujourd'hui, et je vous le répète, un jour, vous comprendrez ce que je veux dire. Les hommes ne doivent pas être asservis au jeu de l'esprit par le biais de la forme spirituelle de l'esprit. Et l'esprit, dans son travail, contre la forme qui est dans l'esprit de l'homme, se servira de toutes les formes possibles pour asservir temporairement l'esprit de l'homme jusqu'au jour où l'homme sera suffisamment fort et puissant en lui-même pour se rebeller contre la loi de ce jeu et finalement pénétrer dans son mental supérieur avec la clé du discernement où il lui sera possible, parce que lui aussi est esprit, de convoquer, de parler, de discuter, d'organiser, de travailler, de fondre lui-même ses forces avec l'esprit. Et il est essentiel que l'homme puisse fonder ses forces avec l'esprit et cesser de se diminuer devant l'esprit et les formes dont se sert l'esprit pour asservir son mental subjectif. Ce que vous pensez de l'esprit et de ses formes, quelles que soient ses formes, je vous le dis, pour moi, ça fait partie de votre expérience et non de la mienne. J'essaie en tant qu'individu qui a vécu le combat avec l'esprit, de vous transmettre ce que je sais. À vous, avec le temps, de comprendre ce que je sais, afin que vous sachiez ce que vous comprenez. Et tant que vous ne saurez pas ce que vous comprenez, vous ne comprendrez pas ce que vous savez, et il vous sera impossible de déjouer les jeux de l'esprit. Et l'esprit vous mènera par le bout du nez et le bout de l'esprit pendant des années de temps, parce que ça fait partie des lois de l'esprit. Et il en fut ainsi pendant des siècles. C'est pour ça que l'homme aujourd'hui n'est plus dans l'esprit, et en plus, n'a plus le pouvoir de l'esprit sur la matière. Je vous ai dit, il y a deux mondes. Il y a le monde matériel, il y a le monde de l'esprit, des esprits, et il y a le monde de la lumière. Et tant que l'homme est assujetti au monde de l'esprit, et qu'il croit que le monde de l'esprit est le monde de la lumière, il est dans la merde de la forme de l'esprit. Et je vous le dis parce que je sais. Et je vous le dis parce que je vous aime. Et je vous le dis parce que je sais que je vous aime. Mais vous ne savez pas que je vous aime, parce que vous ne savez pas ce qu'est l'amour, puisque l'amour pour vous n'est qu'une forme de l'esprit de vos émotions. Les hommes doivent se venir en aide les uns les autres, dans une conscience de leur propre esprit qui n'a jamais été jusqu'à ce jour expliqué à l'humanité, parce que le temps n'était pas venu pour que l'homme sache ce qu'est l'intelligence. Les hommes, dans leur concupiscence avec l'esprit, ont détruit leur pouvoir. Les hommes, dans leurs alliances avec les jeux de l'esprit, avec la forme de l'esprit et l'esprit de la forme, ont détruit leur pouvoir. Les hommes ne sont pas et ne travaillent pas avec la lumière. Ils travaillent avec la forme de l'esprit. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et que ceux qui ont de la gueule la ferment. Parce qu'il y a des choses que vous saurez et que vous comprendrez et que vous ne pourrez pas dire à personne parce que ces choses ne se disent pas à ceux qui ne peuvent pas les sentir. Il est dit dans les textes que les tièdes seront rejetés. Mais il n'est pas expliqué ce que veut dire cette parole. Je vais vous l'expliquer. Les tièdes sont ceux qui n'ont pas leur propre esprit. Les tièdes sont ceux qui se font balader soit par l'esprit des hommes ou par l'esprit dans le monde des esprits. Et si vous voyez, si vous pouviez voir dans le monde des esprits, vous verriez qu'il y a deux mondes dans le monde des esprits. Il y a un monde par là et il y a un monde par là. Et de ces deux mondes, chacun veut votre esprit. De quel droit? Parce que vous êtes dans la matière. Parce que vous ne voyez pas dans l'invisible. Parce que vous ne pouvez pas être autonome. Parce que vous pensez et parce que on se sert de vos pensées pour créer avec vous des alliances spirituelles d'un camp ou d'un autre. Mais le résultat étant toujours le même. La soumission de l'homme à l'esprit. Que l'homme soit soumis à l'esprit qui évolue ou que l'homme soit soumis à l'esprit qui involue, l'homme est soumis à l'esprit et l'homme ne doit pas être soumis à l'esprit. L'homme doit être en harmonie vibratoire avec son propre esprit. Et lorsqu'il est en harmonie vibratoire avec son propre esprit, il est dans l'énergie de la lumière, il n'est plus en convocation, en réunion, en alliance avec l'esprit universel. Et ce n'est que lorsque l'homme n'est plus en harmonie, en alliance, avec l'esprit universel, qu'il est dans l'esprit de l'universel. Et il y a une différence entre l'universel de l'esprit et l'esprit dans l'universel. L'universel de l'esprit est la condition imposée à l'homme sur la planète et dans toutes les planètes pour contrôler le temps de l'évolution. Tandis que l'esprit dans l'universel est la conclusion finale du traité, du mandat qui existe entre l'âme dans la matière et l'âme qui retourne à la lumière de l'énergie pour transformer la matière et spiritualiser sur le plan où elle évolue, la matière de la planète, et donner une nouvelle configuration à la civilisation. Tout le reste, toutes les alliances, toutes les conceptions que vous avez, qui font partie de votre capacité de combattre les formes de l'esprit, de droite ou de gauche, fait partie de votre expérience. Je ne fais que commencer à vous citer l'expérience infinie de l'homme devant l'universel dans l'esprit. Et lorsque l'homme sera universel dans l'esprit, l'homme aura le pouvoir sur la matière et aura le pouvoir sur la vie. Et l'homme pourra créer des formes qui n'existent pas sur la planète Terre. Et l'homme sera intouchable et intouchable dans son esprit. Et lorsqu'il sera intouchable dans son esprit, il sera égal à tous les hommes qui sont en évolution dans le cosmos et qui sont dans l'esprit universel. Et c'est avec ces hommes qu'il travaillera. Et c'est avec ces hommes qu'il pourra continuer le chemin de l'évolution qui appartient à l'univers et qui appartient à toutes les dimensions des mondes invisibles. L'homme doit se rétracter devant ce qu'il a su, il doit se rétracter devant ce qu'il sait, il doit se rétracter devant ce qu'il croit savoir. L'homme ne sait rien. Et plus l'homme croit qu'il sait quelque chose, plus il ne sait rien. Et c'est la condition sine qua non de son ignorance. L'âme de l'homme, c'est le centre de lui-même. Lorsqu'elle a atteint un niveau d'évolution, cette âme, et que l'ego est en harmonie avec cette âme, et que la personnalité est en harmonie avec l'ego, l'âme, l'ego et la personnalité sont indivisibles. Et l'homme devient indivisible, et son esprit est en puissance. Et lorsque son esprit est en puissance, il est dans l'universel. Je me fous du monde des esprits, parce qu'il n'y a pas de différence entre le monde des esprits que le monde de la matière. La seule option que nous possédons sur le monde des esprits, c'est que nous sommes enfermés dans une forme qui rend esclave l'homme à cause de ses sens. Je vous parle pour vous parler, je ne vous parle pas pour vous dire quelque chose. Parce que l'importance de ce que je vous dis n'est pas dans les mots que j'emploie ou les expressions que j'utilise pour faire passer l'énergie. Mais ce que je vous dis appartient à vous autant qu'à moi. Mais il reste à vous de découvrir ce que je vous dis. Et lorsque vous aurez découvert ce que je vous dis, vous saurez que lorsque l'homme est dans l'esprit universel, il ne peut plus, il ne peut pas, il lui est impossible de se tromper. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme n'est plus homme, qu'il n'appartient plus à la cinquième race subalterne, mais qu'il appartient à une race nouvelle, et qu'il a le pouvoir de contrôler, diriger, orienter son évolution, et de changer la vibration de sa planète. Dans des cadres voilés, mais dans des cadres réels, en puissance. Si je vous parlais pour aujourd'hui, je prendrais mon manteau et je sortirais de la salle. Mais c'est parce que je vous parle pour demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que je reste ici devant vous. Parce que je sais que ce que je sais ne se sait pas tant que l'on ne le sait pas. Alors je perdrai mon temps. Mais je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 2 ans, vous aurez compris des aspects de ce que je vous dis. C'est le seul repos de mon esprit devant la tâche que j'ai dans le monde. Les hommes sont soumis à une inquisition. Les hommes sont soumis à une déformation constante de leur esprit. Pour les meilleures raisons au monde. Quel est l'homme qui parle avec l'esprit et qui reçoit constamment de l'information qui est juste et correcte? Quel est l'homme qui parle avec l'esprit et qui ne se fait jamais mentir par l'esprit? Quel est l'homme qui peut dicter à l'esprit les conditions de son propre devenir spirituel, mental, supramental, matériel, éthérique? Quel est l'homme qui peut dicter à l'esprit? On peut les compter sur les doigts, dans le monde entier. Et l'homme ne peut pas dicter à l'esprit parce que l'homme n'a pas vécu le combat avec l'esprit. Et je vous indique, je vous fais savoir que dans l'avenir, ils doivent se faire en vous, se véhiculer en vous, le combat avec l'esprit. Vous devez questionner tout de l'esprit. Vous ne devez jamais accepter ce que l'esprit vous dit parce que l'esprit doit se fondre en vous par le combat avec lui. Et non par une alliance psychologique et spirituelle avec les dominions qu'il contrôle. Ce n'est pas par la forme que l'homme pourra construire dans la matière subtile. C'est par l'énergie en lui. Or, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est le monde de l'esprit? Le monde de l'esprit ou le monde des esprits, c'est un monde ou des mondes où des hommes tels que vous ont substitué la matière matérielle pour la matière immatérielle, mais dont les valeurs de connaissance, de savoir, dont la fusion avec l'âme est encore quelque chose qui doit devenir une réalité dans leur vie éventuelle, que ce soit sur d'autres planètes ou que ce soit par réincarnation. Hier, vous étiez dans le monde des esprits. Aujourd'hui, vous êtes dans le monde des hommes, mais vous avez oublié les lois du jeu. Et en oubliant les lois du jeu, vous vous êtes soumis à des expériences essentielles pour l'évolution de votre âme. Mais vient un moment dans la vie de l'homme, vient un moment dans l'expérience de l'homme, vient un moment dans l'évolution du cosmos en relation avec l'évolution de la vie sur la planète Terre, où l'homme dans la matière doit parfaire ce qu'il n'a jamais parfait dans son opération auparavant. Et ça, c'est le combat avec les lois du monde des esprits. D'où il vient? On ne peut pas se permettre en tant qu'homme de croire. Et ça, les gens ne le comprennent pas tous encore. Lorsque je parle de croire, je ne parle pas de l'attitude de la croyance. Croire ou de ne pas croire. Je parle de l'impossibilité de croire. L'impossibilité parce qu'il n'y a pas en soi-même une forme qui nous permet de croire. Croire, c'est la faculté dont se sert l'esprit de la forme pour faire avancer dans l'homme la forme de l'esprit. Ça fait partie du jeu de l'esprit. Et je suis fatigué de parler du jeu de l'esprit. Je suis fatigué de vous parler pour demain. C'est pour ça que je ne vous parlerai pas longtemps en public pour demain. Je suis fatigué. Mais lorsque je partirai, je vous aurai tout dit ce que j'avais à dire. Le reste, ce sera votre propre vie. Parce qu'il y a des choses que les hommes sont impuissants de savoir et de connaître par eux-mêmes. Parce que ils ne vivent pas le combat et la souffrance du combat à la même échelle. Mais il y a des choses que l'homme doit savoir et l'homme le saura. Et rien ne sera épargné à la conscience de l'homme dans la progression de la manifestation de ce savoir. Parce que l'homme doit savoir. L'homme doit savoir ce qui se passe derrière l'espace-temps. L'homme doit savoir comment il est maintenu dans la domination de la forme en relation avec un camp ou un autre. L'homme doit être libre. L'homme doit être un agent libre. Il ne peut plus se faire casser les pieds par les sornettes de l'esprit. Nous sommes obligés d'employer des termes pour véhiculer des choses. Nous sommes obligés d'employer le mot esprit, d'employer le mot conscience universelle, conscience cosmique. Des mots. Et plus nous employons des mots, plus nous sommes obligés de les déformer, de les détruire, de détruire les formes de ces mots au fur et à mesure que nous avançons. Le monde de l'esprit, le monde des esprits, est un monde en retard. Le monde des esprits est un monde en retard. Et ce ne sont pas les esprits qui vont vous le dire. Eux aussi sont affectés par le principe qu'on doit toujours bien prêcher pour sa paroisse. Mais tellement nous a été caché, qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le pouvoir de connaître l'origine de ce que nous savons. C'est pourquoi nous devons fixer notre personnalité à notre ego et notre ego à notre âme, car notre âme sait. C'est l'âme qui sait. Ce n'est pas parce que vos égos communiquent avec des esprits ou de l'esprit que votre ego sait. Mais c'est lorsque votre ego est en communication avec votre âme que vous savez. Vous ne saurez jamais rien par l'esprit. Je vous l'assure. Et demandez à l'esprit et on vous dira si j'ai raison ou tort. Et si on vous dit que j'ai tort, faites attention. Et il est à vous, c'est à vous la responsabilité d'aller un peu plus loin que ce que vous dit l'esprit pour pouvoir le piéger dans son utilisation de la forme afin que vous puissiez savoir réellement ce qui en est. Je vous ai dit la dernière fois que je suis votre ami. Ce n'est pas l'esprit qui est votre ami. L'esprit fait son travail. Moi, je vous indique comment il se fait. L'homme n'a et n'aura qu'un point d'appui dans sa vie, sur n'importe lequel plan. C'est l'âme. Son âme. Et vous ne savez pas encore ce que c'est que l'âme. Si vous saviez ce qu'est l'âme, vous comprendriez ce que je veux dire. C'est pourquoi j'ai parlé au début de centricité. Dans un autre volet de cette définition de la centricité. La centricité, c'est la capacité de votre esprit en tant qu'homme de réaliser parfaitement ce que vous savez en tant qu'homme. C'est le rapport entre les deux. C'est le rapport entre votre personnalité, votre ego et l'âme. C'est ça la centricité. Et sans centricité, vous ne pourrez jamais voir pénétrer, travailler avec les forces de la lumière. Vous ne pourrez jamais utiliser leur énergie. Parce que l'âme possède une capacité d'absorption de l'universel que l'esprit ne possède pas. L'âme est un filtre. Seule l'âme peut filtrer à l'infini l'énergie de l'universel. Seule l'âme. Et tant que l'ego, la personnalité, sur un plan ou un autre, n'est pas lié à l'âme d'une façon définitive, il est impossible à l'esprit de l'homme de manipuler cette énergie. Elle le détruit et le rend fou. Parce que lorsque l'homme travaille avec l'énergie de l'âme, il devient un fils de la lumière. Et un fils de la lumière, c'est un homme qui contrôle sur un plan quelconque d'évolution la lumière universelle. Et imaginez-vous, avec la petite imagination que vous pouvez posséder aujourd'hui, ce que veut dire contrôler sur un plan humain l'énergie universelle. Imaginez-vous que l'homme, dépourvu de centricité, égocentrique, lié à la forme, ce que cet homme peut faire avec cette énergie, avec cette substance universelle. Voilà ce qu'est la magie noire. Et la magie noire ne sera pas permise dans les premiers cycles de l'évolution. Elle viendra avec la fin, parce que l'homme aura perdu encore son haut niveau de conscience. Et dans les débuts du cycle, l'homme qui sera dans le pouvoir sera dans l'âme et son esprit sera libre de l'esprit du monde des esprits. Je voudrais que les employés nous permettent de commencer. Merci. Les esprits. L'homme est accusé d'insouciance. Dans le monde des esprits, l'homme est associé avec l'arrogance de son esprit. Dans le monde des esprits, l'homme est considéré comme un infortuné fortuné de l'expérience matérielle. Dans le monde des esprits, l'homme a une valeur incalculable pour sa propre évolution, mais il a une valeur indéterminée pour l'évolution du monde des esprits. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que le monde des esprits, un jour, doit totalement disparaître. Et le monde des esprits ne pourra disparaître que lorsque l'homme, les hommes, dans le cosmos, auront pénétré un autre monde qui est inhabité aujourd'hui. Le monde de l'éther double de la lumière. Le monde de l'éther de la lumière est habité. De grands êtres sont passés de ces plans vers le plan matériel pour se mettre en contact avec l'humanité au cours des siècles passés. Mais le plan de l'éther double est inhabité sur notre planète et sera habité par la sixième race de l'homme. dans le monde des esprits, on sait que ce jour approche. Mais on sait aussi qu'il sera difficile à ceux qui sont dans ces mondes de faire l'expérience de ce niveau de conscience sur la terre, parce que il y a trop d'êtres dans le monde des esprits qui ne sont pas conscientisables ou qui ne sont pas conscientisés. Lorsque j'ai dit qu'un être n'est pas conscientisable, je veux dire qu'il y a des êtres dans ces mondes qui refuseront de revenir dans la matière pour faire l'expérience de la fusion avec l'ajusteur de pensée. Ils opteront pour une évolution plus lente, moins orageuse sur ces plans, et un nombre plus affaibli cherchera éventuellement à revenir dans la matière pour faire partie d'un règne nouveau qui est le règne du surhomme. Le monde des esprits est un monde qui ne peut pas servir la hiérarchie. C'est un monde qui peut servir ou desservir l'homme. Et si je dis que le monde des esprits ne peut pas servir la hiérarchie, je suis absolu dans ce que je dis. Il est essentiel que l'homme comprenne ce que je veux dire, afin de commencer le travail mondial qui doit renverser la forme qui nous est imposée par le monde des esprits, afin de libérer l'égrégore spirituel de l'homme et permettre que l'homme devienne un canal parfait pour la hiérarchie. Le monde des esprits est un monde qui peut rendre service à l'homme ou qui peut le desservir selon que l'homme comprend ses lois ou non. Et comme les lois du monde des esprits sont des lois qui appartiennent à ce monde et qui ne sont traduites en langage humain que par ceux qui sont libérés de la forme, il est évident que l'humanité n'a pas facilement accès à ces lois et à la compréhension de ces lois pour renverser la forme spirituelle qui est imposée sur son mental et qui retarde l'ouverture mondiale du troisième œil dans la conscience de l'homme. L'homme étant prisonnier de la matière de son corps matériel, possédant des sens qui le lient à la matière et à la forme matérielle, possédant des sens qui subjuguent son émotion à des catégories d'expérience qui sont subjectives et conditionnées par le climat social dans lequel elle vit, il est évident que l'homme n'a pas encore aujourd'hui la puissance, la volonté, il il apparaît à l'homme comme une tâche lourde, presque impossible. De refondre ses formes, de dénouer, de délier et de relier les liens avec le monde de l'esprit, afin que l'homme cesse d'être un esclave de la spiritualité imposée à la conscience évolutive de la planète. L'homme a une charge. Lorsque je parle de l'homme de demain. L'homme a une charge envers la conscience de la planète. Il a une charge envers les hommes, mais il n'a pas de charge sur lui-même. Un homme qui a une charge sur lui-même, qui est alourdi par une charge personnelle, ne peut pas décharger sur d'autres ce qu'il est, parce qu'il est trop dans le poids de sa charge. Mais l'homme de demain aura suffisamment de conscience pour pouvoir décharger sur d'autres ce qu'il sera. Et un des grands aspects de cette décharge sur d'autres, un des grands aspects essentiels et très importants pour l'évolution mentale et supramentale de l'humanité et pour le raccordement de la conscience cosmique sur la Terre, provient du fait ou est lié au fait que l'homme de l'avenir devra être totalement indépendant en esprit du monde des esprits. Si nous attribuons tellement d'importance dans ce chapitre de l'instruction à l'humanité, c'est pour faire reconnaître à l'homme sur le plan individuel que toutes les catégorisations de connaissances sont incultes, c'est-à-dire qu'elles font partie d'une sorte d'intelligence qui peut, jusqu'à un certain point, aider l'homme dans son évolution et qui peut, par la fin même, à un autre point de son évolution, retarder cette même évolution. L'homme, à cause de la déformation de son ego et du manque de clarté dans la façon dont il pense et de l'incapacité de penser d'une façon objective et de réaliser par lui-même ce qu'il sait, peut difficilement concevoir que le monde des esprits est insuffisant pour son évolution et que les formes utilisées dans le monde des esprits pour le convaincre de sa spiritualité sont insuffisantes et même endommageables en ce qui concerne les plus hauts paliers de l'évolution supramentale qui doivent éventuellement mener l'homme dans la vaste infinité d'éthérique. L'homme se demande, en tant qu'individu, qui suis-je, moi, pour contester ce que l'esprit me dit? L'homme se demande, de quel droit, de quel pouvoir, puis-je contester ce que l'esprit me dit? Et je réponds à la question de cet homme qu'il peut contester ce que l'Esprit lui dit que justement à travers le pouvoir qui est en lui mais qui est enfoncé dans la poussière des formes qui ont assujetti son intelligence. Pourquoi l'homme meurt-il? Pourquoi tous les hommes sont mortels, comme dit Socrate? parce que tous les hommes ne savent pas dépasser les limites de la mort. Et pourquoi les hommes ne savent pas dépasser les limites de la mort? Parce que les hommes n'ont pas conscience de leur propre esprit. Et lorsque l'homme n'a pas conscience de son propre esprit, il est soumis, sans s'en apercevoir, à son insu, pendant des années, à un conditionnement vibratoire provenant du monde des esprits pour affaiblir, diminuer la longévité de sa vie, parce que le monde des esprits est un monde jaloux du monde de l'homme. Si vous aviez accès au monde des esprits pendant que vous êtes dans le corps matériel, vous verriez qu'il y a autant de concupiscence dans le monde des esprits qu'il y a dans le monde des hommes. Le plus grand fardeau imposé à l'humanité est l'ignorance. Le plus grand des fardeaux imposés à l'humanité est l'ignorance de l'ignorance. Et de ce fardeau double provient la mort matérielle. L'homme de demain devra vivre une expérience de déprogrammation, de déconditionnement total. Mais une déprogrammation et un déconditionnement qui ne viendra pas de l'extérieur à lui-même, mais qui sera le résultat de sa souffrance, qui sera le résultat de la réalisation de l'illusion en lui de la forme. L'homme lui-même, l'homme de demain, sera son propre maître. Et aucun homme n'aura sur lui de maîtrise, et aucun esprit n'aura sur cet homme de maîtrise. Et je dis ces paroles dans une conscience très vive, très aiguë, très présente de ce que je sais. Je dis ces paroles dans une conscience absolue de ce que je sais. Je prête mes paroles à l'esprit de l'homme parce qu'elles sont trop lourdes pour que lui-même les parle. Mais elles ne sont pas trop lourdes pour qu'ils puissent les entendre. Devra s'installer sur la planète Terre la plus grande révolution de toutes les évolutions qu'a connues l'homme. Le temps devra être renversé. Et l'homme renversera le temps. Car le temps de l'homme est le temps créé par la forme dans l'esprit de l'homme. Et c'est l'homme lui-même qui renversera le temps. Et lorsque l'homme aura renversé le temps, il sera dans la lumière, et ni le monde matériel ni le monde des esprits n'aura sur lui de puissance. Mais au cours des siècles qui viendront, le monde des esprits, par convoitise pour le monde des hommes, n'ayant pas vécu l'expérience de l'homme, et n'ayant pas connu l'instruction donnée à l'homme par la lumière pour le bénéfice de l'homme et non le bénéfice du monde des esprits, contaminera une fois de plus par incarnation le monde de l'homme, et la sixième race sera découverte, terminera son cycle, et elle sera remplacée par une autre qui sera plus pure dans son esprit. Et lorsque la septième race viendra sur la planète, la pureté de son esprit sera tellement élevée que le monde de l'esprit ne pourra plus venir dans le monde des hommes et il n'y aura plus sur la planète Terre d'incarnation, de réincarnation. Tant qu'il y aura sur la Terre de l'incarnation et de la réincarnation, c'est que les hommes n'auront pas suffisamment spiritualiser la matière pour rendre cette matière aussi subtile dans le déplacement de l'esprit que l'esprit dans son propre monde. Et comme la matière est universelle et qu'elle est faite de substances universelles, son taux vibratoire peut s'élever et se descendre à volonté pour se confondre avec les mondes parallèles où la matière est inexistante. Je vais annoncer à l'humanité, pendant les années qui viennent, des choses qui seront difficiles à l'esprit de l'homme. Parce que plus on aime l'homme, plus on aime l'humanité, plus ce que l'on a à dire est lourd. Et le gage de l'amour est toujours dans ce qu'il permet de faire et non dans ce que l'on voudrait qu'il fasse. Ceux qui descendent dans les mondes matériels pour éduquer les humanités ont terminé leur acheminement, bien qu'ils n'aient pas terminé leur évolution. Ils n'ont plus rien à apprendre parce qu'ils n'ont plus à penser. Ils n'ont plus besoin de la forme parce qu'ils n'ont plus à penser. Ils créent des formes nouvelles pour accentuer dans l'esprit de l'homme une énergie nouvelle afin de continuer sur ces plans ou ces planètes l'évolution. Le gage de toute réalité manifestée sur un plan invisible ou sur un plan matériel est toujours le même. Il semble toujours impossible. Il semble toujours au-delà de la limite. À l'esprit cartésien, il semble toujours idéaliste. À la conscience, il est présent et il est présent pendant des siècles. Ce qui se fait aujourd'hui continuera pendant des siècles. Parce que ce qui n'appartient pas au temps est libre du temps. Nous devons, les hommes, comprendre ensemble que nous faisons partie d'un niveau d'évolution qui n'a pas su encore exploiter la dimension de son expérience et qui a subi pendant très longtemps l'expérience inculquée par le biais de son intelligence et vécue au niveau de son émotion. Mais l'homme n'a pas connu encore la dimension de son expérience parce que l'homme n'avait pas encore atteint l'âge de la maturité. Et la maturité de l'homme ne se mesure pas selon les règles de l'âge chronique, chronologique, et se mesure suivant le taux vibratoire de ses corps, de ses principes. Et le taux de vibration des principes s'élève chez l'homme, comme dans tous les règnes de la nature, sous l'effet du choc vibratoire. Il n'y a aucune évolution possible sans un choc vibratoire. Il n'y a aucune évolution, il n'y a aucune mutation, transmutation, il n'y a aucun saut en hauteur sans un choc vibratoire. C'est une loi du cosmos, c'est une loi de l'univers, c'est ainsi que les vibrations sont diminuées ou élevées dans le cosmos. Que l'homme sache que toute évolution nécessite un choc vibratoire. Et le choc vibratoire se manifeste chez lui dans une sorte de souffrance qu'il veut voir cesser, qu'il veut voir se terminer, mais qui doit cesser et se terminer lorsque le travail a été fait et accompli. Nous allons introduire dans la conscience mondiale des principes de vie, des instructions de vie qui ne pourront pas soulager l'esprit de l'homme. Nous allons introduire dans la conscience mondiale des principes de vie qui tourneront l'homme contre l'homme. Et le travail sera fait. Et l'homme se retournera contre l'homme, non pas parce que l'homme nouveau n'aime pas l'homme ancien, mais parce que l'homme nouveau aura une différente vibration. Et la psychologie de l'homme ancien ne lui suffira plus. On a accusé un jour le Nazaréen de dire: quittez vos femmes, quittez vos enfants, quittez vos pères pour me suivre. On ne comprenait pas ce qu'il disait. Il ne disait pas de quitter les femmes, les frères et les enfants pour le suivre. Il disait que lorsque la conscience pénètre dans l'homme, elle isole cet homme de tout ce qui est inconscient. Il ne s'agit pas pour l'homme d'interpréter ce que je dis. Il ne s'agit pas de donner poids à mes paroles. Il s'agit d'écouter ce que je veux dire. Dans le temps, vous verrez ce que je veux dire. Si vous donnez poids à mes paroles, vous ferez des erreurs. Parce que peut-être votre enfant, votre père, votre mère, doivent aussi un jour connaître ce que vous connaissez. L'instruction qui sera donnée à l'humanité divisera les peuples et divisera les nations. Parce qu'elles sont déjà divisées. Et remarquez bien que celui qui parle n'est pas celui que vous voyez. Celui que vous voyez n'est qu'un canal, un instrument pour celui qui parle. Mais celui qui parle, un jour vous le verrez. Et celui que vous voyez aujourd'hui, un jour ne sera plus là. Et lorsque ces temps seront venus, où celui qui parle vous sera visible, le cycle sera commencé. Le pont sera établi avec le grand Michael, et les événements de la terre seront en déchirement. Et les hommes courront dans les rues comme des fourmis pour se terrer sur le ciment qu'ils auront construit. Les femmes seront affolées. Les gouvernements ne tiendront plus. Car un âge nouveau sera sur le point de poindre. Je vous dis ces choses parce que ces choses doivent se produire. Mais je ne vous dis pas ces choses pour que vous pensiez à ces choses. L'égalité entre les hommes est une égalité qui doit être le produit de la conscience dans l'homme et non de la politique et de l'idéologie de l'homme. La politique a été créée, façonnée pour que l'esprit de l'homme s'organise sur le plan de la société afin de parfaire ses mœurs et labourer la terre du barbarisme. Mais la conscience que vous ne connaissez pas et la lumière de cette conscience que vous verrez certains parmi vous n'a pas de frontières. Et l'homme, bien qu'il ait perdu la mémoire de sa venue sur la planète, de son origine, connaîtra pleinement cette conscience lorsqu'il l'aura connue. Construira sur le plan matériel de l'éther une civilisation que les Atlantes n'ont jamais rêvé, que les sages n'ont jamais connue, et dont seul l'homme aura la clé. Mon esprit n'est pas dans la forme. C'est pourquoi je vous parle de la façon dont je vous parle. Mais mon esprit peut élever la vibration de votre esprit. Mais vous devez vivre la souffrance de cette vibration. Je ne demande à personne de suivre mon chemin parce que je n'ai pas de chemin. Mais je sais que l'homme doit trouver son chemin pour un jour connaître la raison de son évolution, le but de son évolution, et continuer dans un autre temps ce qu'il a commencé dans la matière. Même l'esprit parjure. Je parle de l'esprit du monde des esprits, je ne parle pas de l'esprit en dehors de la forme. Même l'esprit parjure. Or, si l'esprit parjure, il est évident que la parjure dont est souillé l'esprit de l'homme fait partie des manœuvres de l'esprit sur l'esprit de l'homme. Pourquoi est-il important à l'homme d'être libre de l'esprit de la forme pour que l'homme ne puisse plus parjurer ce qu'il sait? Pour que l'homme ne puisse plus mentir de ce qu'il sait, mais de ce qu'il ne veut pas avouer. Et lorsque l'esprit parjure, dans le monde des esprits, ce parjure devient pour l'homme la vérité. Et vous ne pouvez pas trancher cette question par moi. Parce que je ne suis pas là pour vous aider à trancher les questions de la réalité, les questions de la vérité. Je suis là simplement pour vous indiquer comment se traite dans le cosmos la réalité de l'homme. Je suis là pour vous indiquer comment l'homme seul, par lui-même, de ses propres forces, doit devenir ce qu'il est. Vous n'avez pas besoin de moi, plus que moi, je n'ai besoin de vous. Mais vous croyez certains avoir besoin de moi, parce que vous ne vous êtes pas encore découvert. Et vos propres faiblesses, votre propre émotivité, vos propres craintes font de vous des êtres qui doivent renforcer leur propre volonté afin de devenir autonome. Si vous n'êtes pas autonome devant moi, comment pouvez-vous être autonome devant l'esprit? Et quand je parle d'autonomie, je parle d'autonomie. Je ne dis pas aux gens de ne pas s'asseoir à ma table. Je parle d'autonomie. Et lorsque vous aurez passé, que vous aurez engendré votre propre autonomie devant moi, dans votre propre esprit à vous, vous aurez la force de devenir autonome devant l'esprit. Car je suis le pont entre l'homme et ce qui est derrière l'esprit. Tout ce qui est de l'esprit, de la forme de l'esprit, du monde des esprits, sera foulé et réduit en cendres, parce que il y a sur la planète Terre un certain nombre d'hommes qui doivent un jour immortaliser leur matière et ne jamais retourner au monde des esprits. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai déjà dit, je sympathise avec l'homme, mais je n'ai pour l'homme aucune sympathie. Je sympathise avec l'homme parce que je comprends la condition de l'homme. Mais je n'ai aucune sympathie pour l'homme parce que je sais et je connais les hommes qui doivent glorifier la lumière. Et ce sont les hommes qui doivent glorifier la lumière qui deviennent importants pour la planète et non les hommes qui glorifient le monde des esprits. Et lorsque je dis que je sympathise avec l'homme, que je comprends la dimension existentielle de l'homme et les problèmes psychologiques de l'homme, ou philosophiques de l'homme, ou spirituels de l'homme, c'est une vertu naturelle de l'homme de sympathiser avec l'homme. Mais de dire que je n'ai aucune sympathie pour l'homme, c'est de dire que l'homme qui provient du monde des esprits s'incarne. Il n'a pas compris la règle des fils de la lumière. Je ne peux sympathiser avec lui que dans le cas où je n'ai pour lui aucune sympathie. Parce que la règle du jeu est stricte, elle est absolue, elle est inéluctable, et on ne peut franchir au-delà de cette règle, comme certains parmi vous le connaîtront dans l'avenir. Regardez les anciennes initiations, regardez les passages dans les textes, regardez la vie de ceux qui ont connu et compris certains aspects de l'ancienne évolution. Et je vous dis que ce qui vient dans l'avenir est 10 fois plus parfait. Il est 10 fois plus parfait parce que dans l'avenir, l'homme sera totalement dépouillé de toute forme de spiritualité. Tandis que dans le passé, l'homme qui était grand était enveloppé dans une très haute spiritualité. Mais cette spiritualité devait servir de miroir à l'évolution spirituelle et religieuse de la 5e race de l'homme. Les saints de l'Église sont un exemple. Mais les saints de l'Église retournent au monde des esprits. Certains reviennent dans la matière pour la fusion. Il y a des saints qui sont plus grands que d'autres saints. Nous n'avons pas conception de l'infinité de la conscience. Nous n'avons pas conception de l'infinité de nos conceptions. Et je vous dis que l'homme a en lui le pouvoir infini de projeter par son cerveau des pensées formes nouvelles et de faire avancer l'esprit de l'homme. Là où la sympathie, la charité, les vertus théologiques ont servi à engendrer dans l'homme un fondement contre le barbarisme, dans la nouvelle culture, dans la nouvelle société, dans le temps nouveau, ces choses n'existeront plus. Parce que les conditions qui leur ont donné naissance auront disparu. Changez les conditions de la vie et vous changez la nature de l'homme. Maintenez les conditions de la vie, même sous l'effet de la progression, du progressisme. Vous étirez la nature de l'homme dans le temps, mais vous ne le changez pas. Pour que l'homme change, il doit mourir. Et je ne parle pas de mort matérielle. Pour vous, la vie est simple. Pour moi, elle est vaste. Pour vous, elle est complexe. Pour moi, elle est simple. Pour votre esprit, il y a des plafonds. Pour le mien, il n'y en a pas. Mais si je ne vous indique pas le plafond, comment pouvez-vous réaliser qu'il existe? Et lorsqu'on me blâme pour telle ou telle chose, j'acquiesce le blâme qu'on dirige vers moi et j'attends qu'on le retire. Il est normal qu'on s'attaque de temps à autre à mon esprit. Il est naturel. mais j'attends qu'on retire l'attaque. Parce que je sais que ceux qui sont marqués sont marqués. Et je comprends combien est dur le jeu de l'esprit sur l'homme et combien il est difficile à l'homme de voir à travers ce jeu, surtout lorsque l'esprit se prononce avec autorité. Lorsque l'esprit est dogmatique, lorsque l'esprit vous assure qu'il en est ainsi, même ceci fait partie du jeu de l'esprit pour vous donner une sécurité quelconque afin que vous puissiez continuer votre évolution spirituelle jusqu'au moment où vous soyez assez fort pour rompre les formes qui vous ont servi. J'ai déjà dit que l'ego de l'homme est luciférique. En dehors de toutes les formes morales ou spirituelles qu'on peut ajouter à cette formulation, je dis que l'ego de l'homme est luciférique. C'est-à-dire qu'il sert à un programme d'évolution essentiel, nécessaire. Un programme tellement occulte, voilé, caché, que même dans le monde des esprits, où se propage cette manifestation, ce que vous appelez dans le monde des esprits négatifs. Même dans ces mondes, les esprits sont inconscients de ce qui se passe. Si dans les mondes sombres, dans les plans sombres de la réalité extérieure, les égaux ne comprennent pas leurs alliances avec les forces retardataires. Comment voulez-vous que l'homme, sur le plan matériel, puisse deviner l'enchevêtrement extraordinairement complexe de sa conscience égoïque et de sa conscience égocentrique? La preuve, l'évolution. La preuve, la scission du contact entre l'homme et l'invisible. La preuve, ce que l'homme appelle communément le péché originel, qui n'est que la rupture du contact avec les circuits universels. Pour des buts essentiels, pour le développement des principes de l'homme. Mais au cours de laquelle, dans un temps qui approche, la vapeur doit être renversée. Et alors l'ego cessera d'être luciférique et il sera dans la lumière. C'est pourquoi, en tant qu'homme, en tant qu'être, en tant qu'homme, en tant qu'ami, j'essaie de vous faire comprendre ce que vous ne pouvez pas comprendre. J'essaie de vous dire des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais le fait que je vous l'ai dit amène vers l'homme ce qui doit être dit. Et ce qui doit être dit de la façon dont il est dit, et non de la façon dont l'homme voudrait que ce soit dit. Et il est là le gage du lien entre l'homme et la lumière, au-dessus, au-delà de, par-dessus. Ce sont ces hommes qui ont glorifié la lumière et qui ont rendu grande l'humanité. Pour le besoin d'une cause dont seuls eux étaient conscients dans sa totalité. J'ouvre un autre volet. L'instruction échappe à tout. L'instruction n'est maîtrisée par rien. L'instruction n'appartient à personne. L'instruction ne vient que par une personne. L'instruction n'est pas de l'homme, mais elle passe par l'homme. Mais l'instruction possède une faiblesse. L'homme. Auquel elle est dédiée. Parce que l'homme auquel elle est dédiée ne peut pas la comprendre tout de suite. Mais l'instruction possède une force, c'est qu'elle est indestructible. Et elle ne se cerne pas. Elle n'appartient pas à l'intellect de l'homme. Elle subjugue l'intellect de l'homme pour élever la vibration de son esprit. Et comme elle est impuissante à donner à tous les hommes ce qu'elle a le pouvoir de donner, elle maintient sa puissance dans le temps. Et c'est là que sa faiblesse est éliminée et que la victoire de l'homme sur son inconscience, sur ses préjudices, ses conceptions ou ses préconceptions, est assuré dans l'avenir. L'instruction est tellement juste qu'elle peut ne se parler que par la voix d'un centre qui est totalement sous le contrôle de la lumière et auquel l'homme qui en est induit est incapable de refuser le passage. L'instruction est tellement universelle qu'elle doit être à un moment donné dans la vie de l'homme qui la reçoit. Confirmée par le monde des esprits. Tant que le monde des esprits ne confirme pas l'instruction, le monde des esprits a empire sur votre esprit. Je vous dis ici quelque chose d'essentiel. Et après ceci, c'est votre propre expérience. Je canalise l'instruction. Et l'homme se sert d'elle pour comprendre sa relation avec le monde des esprits. Parce que le phénomène de la pensée chez l'homme est un phénomène qui appartient à la fois au monde des esprits et à la fois au monde de la lumière. Une partie de vos pensées fait partie du monde des esprits et une partie de vos pensées fait partie du monde de la lumière. Et la seule partie de vos pensées qui fait partie du monde de la lumière est l'énergie de vos pensées. La forme de vos pensées fait partie du monde de l'esprit. Voilà pourquoi il y a dans votre esprit souvent des pensées que vous appelez négatives ou des pensées que vous appelez positives. Et lorsque par l'expérience, le travail fait sur le corps mental, vous serez libre de la polarité de la pensée, vous ne serez que dans l'énergie de la pensée, et à ce moment-là, vous serez vous-même dans l'énergie de l'instruction. Subtil, le phénomène de la pensée de l'homme. Très subtil, puisqu'il est la fondation même des mécanismes qui ont engendré en lui son intelligence inférieure, qui lui ont donné la possibilité de la philosophie, de la psychologie, de la science, de l'atome, de la bombe. Subtil, la pensée dans l'homme. Mais d'où vient la bombe? D'où vient le concept de la bombe, entourée de l'euphorie intellectuelle de la physique moderne? La bombe ne vient pas de la lumière. La bombe vient du monde des esprits. Mais l'homme n'a pas de discernement parce qu'il pense. Il n'a pas de discernement parce qu'il se sert de la pensée pour concrétiser ce qu'il veut, pour concrétiser ses désirs, pour concrétiser ses passions, pour concrétiser un devenir qui est beaucoup trop court devant l'éternité. Le monde de la pensée est le monde de l'esprit à travers l'esprit de l'homme. C'est pourquoi l'homme de demain n'aura plus le pouvoir de penser, car il sera libre du monde de l'esprit et de la pensée. Mais c'est dur à l'homme de comprendre ceci. Comment voir une chose en dehors de la chose quand vous êtes dedans et la nier? C'est impossible, puisqu'elle fait partie de votre expérience. C'est avec le temps et la souffrance de l'expérience que vous comprenez l'illusion de cette chose. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites à l'homme dans un public. elles peuvent être dites à l'homme dans le privé. Mais il y a des choses tellement graves, tellement terribles, concernant la façon dont l'homme a évolué. Que ces choses ne sont pas bonnes à entendre, parce qu'elles créeraient dans l'homme une grande tristesse. Il ne s'agit pas de rendre l'homme triste, mais de lui donner un peu de pouvoir pour qu'il puisse reconnaître en lui la flamme de sa propre sagesse intérieure. Et ce pouvoir vibratoire qu'on peut lui transmettre ne peut lui être transmis que par les vocables qu'on emploie dans la traduction de ce que l'on sait. Et c'est pourquoi les temps sont longs. S'il nous était permis de donner à l'homme le pouvoir d'une autre façon, il en serait ainsi. Mais l'homme, étant tellement affairé aux choses des sens, se servira de ce pouvoir, ou serait témoin de ce pouvoir et retarderait sa propre évolution. De sorte que la parole est la meilleure façon d'instruire l'homme et non le pouvoir. Mais que l'homme comprenne qu'il y a dans la parole deux aspects. Un, que va chercher l'homme pour son propre plaisir, et l'autre, que doit subir l'homme pour sa transmutation. Et ce n'est pas la partie qui fait plaisir à l'homme qui le fera évoluer, mais c'est l'autre. Alors je vous donne un aspect de l'autre partie. Il y a dans le monde, et il y aura dans le monde, et il y a eu dans le monde des expressions du pouvoir, du monde de l'esprit, pour le bénéfice de l'homme. Je vous en cite un, pour vous faire comprendre les nuances de l'esprit. Il est venu dans le monde un être que l'on a appelé la Dame de Fatima. Cette présence, ce phénomène sur la Terre, a créé dans le monde occidental, pendant une certaine période de temps, une euphorie spirituelle. Des séquelles de cette présence sur le plan matériel a créé dans l'Église un secret profond. Les forces de la lumière ne sont pas encore venues sur la terre. La puissance de l'intelligence se manifeste sur la Terre. Mais cette intelligence ne fait pas partie de la lumière. Elle fait partie de l'évolution de certaines planètes dans le cosmos qui ont intérêt à maintenir l'homme dans la spiritualité. Comment l'homme par lui-même, par ses propres efforts, peut-il séparer le vrai du faux, le bon du mauvais? C'est une illusion de l'homme. Dans le cosmos, il n'y a ni bon ni mauvais. Le bon et le mauvais est toujours proportionnel à la conscience de celui qui le perçoit. De sorte que celui qui perçoit un phénomène de nature autre que celle qu'il connaît dans sa vie de tous les jours, est obligé de façonner une étiquette et l'attacher à une forme ou à une autre pour sécuriser la valeur de la présence dont il connaît l'expérience. Alors, la Fatima se présente à l'homme et l'homme se met à genoux devant la Fatima. Quelles sont les conséquences de cette présence pour l'évolution de l'homme? Elles sont triples. D'abord, elles permettent la continuité de la spiritualité chez l'humanité. Elles sectarisent la spiritualité dans l'humanité, parce que le bouddhiste, l'islam et le catholique sont trois secteurs différents de la spiritualité humaine, alors ils sectarisent et donnent à un secteur une plus haute vertu extrasensorielle que l'autre. Et elle permet à toute une civilisation de vivre dans la crainte des temps futurs. Un tel travail, quelle que soit la forme employée dans son exécution, ne fait pas partie des forces de la lumière. Mais comment l'homme qui n'a pas le discernement, qui pense, qui lit les journaux, qui lit des livres, qui n'a pas contact essentiel avec l'âme, peut-il de lui-même tirer de telles conclusions? Lorsque je dis que l'homme est ignorant, et il est ignorant de son ignorance, je dis un des plus grands secrets de l'humanité. Et l'homme ne peut pas connaître les secrets de l'univers s'il n'est pas dans le secret de ce secret. C'est pourquoi je vous dis depuis longtemps, attention à vos émotions. Parce que vos émotions, quelles que soient vos émotions, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur vertu, leur qualité, vos émotions sont de l'émotion. Et ce sont vos émotions qui vous préviendront et vous empêcheront de faire l'expérience de l'énergie de l'âme. Non pas, je vous dis ceci, pour vous mettre contre vos émotions, pour faire de vous des êtres sans émotions, mais pour vous faire reconnaître en vous l'émotion lorsqu'elle s'appuie sur son sentiment psychologique ou sur son sentiment spirituel pour vous empêcher d'avoir un esprit qui peut combattre la forme de l'esprit. Parce que le temps qui vient est le temps où l'intelligence de l'homme sera tellement grande que l'amour de l'homme sera puissant. Mais l'amour de l'homme ne peut pas être puissant si l'intelligence de l'homme n'est pas grande. C'est pour ça que l'homme n'a jamais compris l'amour qui est venu donner à l'homme et enseigner à l'homme celui que l'on connaît. L'homme doit se servir de sa volonté, de son intelligence et de son amour pour être dans l'énergie de lui-même et travailler avec les forces qui sont dans la lumière. Il ne peut pas être infirmé par l'absence d'un principe. Il ne peut pas être infirmé par la surabondance du sentiment d'un autre. Trop d'amour mal placé est déjà de l'intelligence vaincue. Ce n'est pas plaisant pour moi de vous dire des choses qui choquent l'esprit de vos émotions. Parce que je ressens l'esprit de vos émotions. Mais je dois le dire. Parce que si je ne le dis pas, personne d'autre ne le dira. Lorsque je parle ou que l'on parle d'un tri dans l'humanité, nous parlons effectivement d'un tri dans l'humanité. Ce sera un tri dans l'humanité. Et le tri se fera individuellement à l'intérieur de chacun de soi-même. Ce n'est pas l'homme qui mesure la puissance des événements, il les subit. Ce n'est pas l'homme qui sait quand se produira tel ou tel événement, il doit attendre. Mais c'est l'homme qui doit vivre l'expérience pour parfaitement comprendre l'événement. L'homme ne peut plus appartenir à l'homme. L'homme ne peut plus appartenir à la religion de l'homme. L'homme ne peut plus vivre de spiritualité. L'homme ne peut vivre que de l'énergie de l'âme qui traverse ses principes et qui active sa fonction évolutive sur un plan ou sur un autre. L'humanité est vaste, la réserve est grande, et le butin est important. Et le butin de l'humanité est tellement important que combat. Se livre et se livrera jusqu'à la scission, jusqu'au partage. Et les hommes seront partagés. L'homme ne peut pas douter de lui-même. Et quand je dis que l'homme ne doit pas douter de lui-même, je ne dis pas que l'homme doit croire le monde des esprits. L'homme ne peut pas, il ne doit pas douter de lui-même lorsqu'il sait parfaitement qu'il y a en lui un aspect qui est inviolable par le monde des esprits. Inviolable. Et cet aspect de lui-même qui est inviolable, c'est cet aspect qui le lie aux hommes sur la planète Terre qui savent. Et lorsqu'un homme rencontre un autre homme, qui rencontre un autre homme, et qu'il sait ce que cet homme sait, ce savoir doit être inviolable par le monde des esprits. Pourquoi en est-il que dans les grands livres de l'humanité qui traitent de ci ou de ça, qui traitent des grands personnages, qui traitent des grandes vérités, pourquoi en est-il qu'il n'y a aucune corroboration? Pourquoi en est-il qu'un livre comme la Cosmogonie d'Urantia traite d'une façon et qu'un autre livre traite d'une façon? Pourquoi en est-il qu'il n'y ait pas sur la planète Terre un livre? Parce que tant qu'il y aura des livres sur la planète Terre, il n'y aura pas d'hommes qui sauront. Et tant que les livres seront sur la planète Terre, les hommes ne seront pas dans l'autre temps et les hommes, automatiquement, seront à la faveur du monde des esprits. Je vous dis des choses importantes. Je défie n'importe qui dans la salle de me dire, de me démontrer que deux livres qui ont été écrits démontrent la même chose parfaitement. Si ce n'est sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, et si ce n'est sur le plan spirituel, sur le plan vibratoire. Pourquoi? Parce que les livres sont des outils qui servent à l'évolution de l'homme, mais ne sont pas des outils qui servent à déterminer son savoir, puisque son savoir fait partie de lui-même. Et l'homme s'assujettit ainsi depuis des siècles, depuis des millénaires. Et aujourd'hui, il doit souffrir le résultat de ce conditionnement que j'appelle l'involution. Et il ne prend pas aisé que monsieur un tel lui dise « Ce n'est pas comme ceci, c'est comme cela. » Effectivement, il ne prend pas aisé. Comment peut-il le prendre aisé? Qui est-il, ce monsieur un tel? Il n'est rien, ce monsieur un tel. Ce n'est pas par l'homme que l'on juge l'instruction, c'est par l'instruction. Mais vos esprits seront mis au parfum de toute façon et de toutes les façons. Car vos esprits doivent être allégés de la forme et rendus à vous-même. Un petit chat. Qu'aucun enregistrement dans la salle n'est alloué. Aucun enregistrement. Je le demanderai aux gens qui ont enregistré ou s'il y en a qui ont enregistré conférence. Je veux indiquer que depuis quelque temps, j'ai commencé à enregistrer à permettre à certains individus, comme les rencontres que je fais chez vous ou les conférences générales comme je fais maintenant. Et ces cassettes-là, ces enregistrements-là, je vous les laisse. Ce sont vos enregistrements, ce sont les vôtres. Mais les enregistrements ne doivent pas sortir dans le public. Ils seront sous la main de monsieur. L'homme nouveau découvrira qu'il n'est pas en contrôle de sa destinée. Laissez-moi expliquer clairement ce que je veux dire. Lorsque les forces du supramental pénètrent la conscience de l'homme, la volonté de l'homme est élevée et l'intelligence créative est élevée en vibration, et il se produit dans l'homme à un certain moment un changement de rapport entre son ego et sa personnalité. Chez l'homme en général, l'ego et la personnalité sont toujours dans un contrebalancement, fonctionnent toujours l'un envers l'autre. Mais lorsque l'homme devient supramental, que cette énergie pénètre en lui, il se produit un phénomène chez lui de renversement, où ce n'est plus le jeu entre l'ego et la personnalité, mais un jeu entre l'ego et l'âme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à sentir qu'il n'est plus maître de lui-même. Et avec le temps, au fur et à mesure que cette énergie pénètre en lui, l'ego a tendance à s'inquiéter de son état, a tendance à s'inquiéter de la puissance, parce qu'il commence à sentir la force de la vibration, il commence à sentir que la force de la vibration est équivalente ou supérieure à sa propre volonté. Et l'ego, pendant cette période, s'inquiète parce qu'il s'aperçoit qu'il est comme soumis à une pression, à une vibration puissante. Et cette inquiétude lui cause, sur le plan psychologique, peut-être des tourments. Parce que l'ego n'est pas habitué à fonctionner en dehors de son libre arbitre. L'ego est habitué à travailler en relation avec son expérience du libre-arbitre, qui est une relation entre lui-même et la personnalité. Mais dès que les forces de l'âme commencent à pénétrer l'ego et travailler d'une façon active sur l'ego, la pénétration est tellement grande que le libre-arbitre qu'il connaissait avant, auparavant, commence à s'atténuer, à s'atténuer, à s'atténuer, à s'atténuer. Et si les forces sont très grandes, cette illusion essentielle de l'homme, qui est l'ego, peut éventuellement lui donner l'impression qu'il n'a plus de libre arbitre, et à ce moment-là, son esprit s'affole. Je vous parle de ceci non pas pour vous inquiéter ou pour dramatiser l'expérience de la pénétration de la conscience universelle, mais pour vous faire reconnaître que lorsque ou si, dans certaines conditions, qui peuvent être de courte durée, vous faites l'expérience de cette pénétration, et remarquez que lorsque je vous parle de quelque chose, je vous parle de ceci parce qu'il y a des temps qui viennent où ce dont je vous parle fera partie de votre expérience, chez certains en tout cas. Mais je vous dis ça pour que vous ne vous inquiétez pas quand vous sentez cette grande pénétration d'énergie et que vous sentez cette force qui s'impose à votre volonté. Et la meilleure façon de réagir dans un cas pareil, c'est de vous mettre réellement au neutre, de ne pas vous occuper de cette force qui pénètre. D'ailleurs, vous n'y pouvez rien. Et de la subir. Mais de la subir d'une façon totalement froide. Quand je dis froide, je dis sans émotion et sans y penser trop, si vous êtes capable. De la subir et de laisser passer l'énergie. Et lorsque ceci se produit, c'est la formation du canal en vous. Et la formation du canal est essentielle, elle fait partie de la structuration psychique de l'homme nouveau, et au cours des années qui viendront, d'une façon graduelle, je suis sûr pour la plupart d'entre vous, ce canal se formera, et sa formation sera vécue chez vous comme étant extrêmement concrète et extrêmement réelle dans le sens que vous sentirez cette force qui vous empêche d'aller par là et qui vous force d'aller par là. La compréhension de ce que je vous explique en relation avec ce phénomène va vous faciliter l'expérience pour qu'il ne se crée pas dans votre esprit une panique à outrance. L'homme nouveau est totalement opposé à l'homme ancien. Il ne fonctionne pas comme l'homme ancien. Les rapports entre son ego et sa personnalité sont diminués. Ils peuvent être totalement éliminés, presque, si les rapports entre les forces et l'homme sont très grands. Et il s'établit des rapports entre l'ego et l'âme, et c'est justement ce travail qui crée le nouvel homme. De sorte que l'homme nouveau pense différemment, voit différemment, fonctionne différemment, et ainsi de suite. Et pendant les années qui suivent, il se fait un ajustement au corps, mental et émotionnel, même sur les autres plans, sur le plan matériel. De sorte qu'avec les années, l'homme devient de plus en plus conscientisé, c'est-à-dire de plus en plus harmonisé à la vibration pénétrante de cette énergie. Mais il ne faut pas que vous vous inquiétiez outre mesure de cette pénétration et que vous ne souffriez pas outre mesure de cette énergie. Et votre souffrance sera d'autant plus diminuée que vous ne vous accrocheriez pas à la forme de la crainte ou l'inquiétude psychologique qui est suscitée dans un rapport étroit entre l'âme et l'ego. L'énergie qui vient de l'âme est une énergie universelle qui est très puissante. Et lorsque l'énergie passe de ce plan et descend vers la matière, il est évident que l'homme en subit des contre-chocs et est obligé de s'ajuster psychologiquement à cette nouvelle façon de percevoir l'énergie en lui. Et l'homme nouveau percevra l'énergie en lui, il en sera très conscient, aussi conscient qu'il peut l'être de la matière matérielle. Mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez pour rien, je connais le phénomène, je l'ai vécu, et lorsque le phénomène se présente, lorsque vous le vivez, un point c'est tout. Et ceci est déjà déterminé dans votre plan d'évolution et fait partie de votre évolution vers le supramental. Remarquez que tout ce qui se produit en vous, en relation avec les énergies de l'âme vers votre ego et votre personnalité, fait partie des forces de la lumière et c'est à vos corps, à vos principes de s'ajuster à cette énergie et de là éventuellement le pouvoir interne de l'homme. Si vous ne passez pas par cette expérience éventuellement, effectivement, vous ne pouvez pas faire l'expérience de cette énergie et en contrôler les paramètres vibratoires qui font partie de la science interne cachée de l'homme dans son cerveau éthérique et qui serviront dans l'avenir à lui donner le contrôle sur la matière. Il y a des gens qui me voient et qui me courent après pour me demander des questions de toutes les sortes. Et je répète que les gens doivent s'habituer à reposer leur esprit et à cesser de se demander et à essayer toujours de comprendre et de comprendre et de comprendre et de comprendre et de comprendre. C'est une extrême mauvaise habitude qui vous fatigue l'esprit, qui ne vous donnera pas de réponse précise pour abattre la soif de votre curiosité. Je vous le dis parce que je sais combien c'est essentiel d'en venir à avoir la tête vide, la tête claire, la tête calme, l'esprit limpide, mais sans mouvement intérieur. Ce n'est pas par les questions ou par la recherche de certaines questions concernant la cosmogenèse ou les ci ou les ça que vous arriverez à la conscience universelle. La conscience universelle est totalement en dehors de ça. Ce sont des formes. Ça fait partie des structures qui sont des structures, des mondes qui vous sont donnés ou qui sont transmis par le monde des esprits pour l'éducation de l'homme. Mais l'homme déjà connaît ces choses puisque l'âme fait partie de l'universel. Vous ne pouvez pas constamment fouetter votre esprit avec des questions qui ont souvent beaucoup de sens, mais qui vont simplement vous donner une autre question à répondre, et une autre question à répondre, jusqu'à temps que votre esprit soit épuisé. Il faut reposer l'esprit. Et ce n'est pas facile, je comprends que ce n'est pas facile. Nous avons des habitudes que nous avons contractées depuis très longtemps, et ça fait partie du mécanisme de l'ego, de la relation entre l'ego et la personnalité. C'est pourquoi lorsque l'âme commence à pénétrer l'ego et que cette force s'établit dans l'ego et qu'elle gèle complètement l'esprit de l'âme, l'homme ne peut plus penser. Alors je continue un autre volet de cette conférence. Il y a des gens parmi vous, dans les temps relativement rapprochés, qui connaîtront des expériences un peu difficiles à supporter sur le plan humain, qui connaîtront des expériences telles que la présence ou la pénétration dans leur maison de certaines formes d'énergie qu'ils pourront voir avec les yeux. Ces formes d'énergie qui pénètrent dans la maison ou qui font partie de votre expérience sont des manifestations de certaines intelligences sur d'autres plans invisibles qui circulent autour de la planète Terre et qui cherchent à mesurer le taux vibratoire de l'homme. Pour reléguer cette information à d'autres niveaux d'intelligence, ainsi de suite, et tout ceci fait partie d'un immense réseau universel de communication entre notre planète et les sièges moronciels de l'évolution. Ce qui est important pour vous dans ces expériences, c'est de les vivre et de ne pas vous occuper intellectuellement de leur valeur. Parce que si vous commencez à penser à ces choses et à rationaliser sur ces choses, vous allez vous créer dans la tête toutes sortes de soucis pour rien. Habituez-vous à vivre vos expériences extrasensorielles. D'ailleurs, vous allez en vivre de plus en plus au cours des années, au fur et à mesure que vos centres vont s'ouvrir. Habituez-vous à vivre le paranormal, pour ceux qui ont déjà la sensibilité, à le vivre d'une façon neutre. Ce que j'appelle, moi, dans mon langage, bien simple, la cellule de l'esprit. La cellule de l'esprit, c'est un état de l'esprit de l'homme, qui est tellement puissant, parce qu'il est mental, qu'il permet à l'homme de mesurer tout de son expérience en relation avec un rien intérieur. C'est une forme de neutralité, la cellule de l'esprit. La cellule de l'esprit, c'est comme une confrontation entre l'esprit de l'homme et l'expérience de la vie. Si l'expérience de la vie est un petit peu difficile, s'il y a des tensions durant la journée, s'il y a des interférences, s'il y a quelque chose qui ne marche pas smooth, l'esprit de l'homme, lui, a tendance, de par sa nature, à vouloir tasser les choses, arranger les choses. Mais quand l'homme connaît le mécanisme ou est dans la vibration de la cellule de l'esprit, à ce moment-là, il n'essaye pas, au niveau psychique, d'arranger les choses. Il attend que le moment soit propice pour sentir la vibration qui va le faire déplacer pour arranger la chose. Plus le problème est intense, plus l'homme devrait être capable d'attendre la vibration qui va le déplacer dans l'espace pour arranger la chose. Quand un homme connaît le principe du mécanisme de la cellule de l'esprit, il ne cherche jamais à changer les événements de sa vie. Il attend pour vous. C'est bien important ça. Il attend de pouvoir, dans le temps de l'énergie, faire un mouvement qui va coïncider avec une action qui va changer la situation. Il laisse faire les choses. C'est bien tout de suite, je ne veux pas que les gens mal interprètent. Tu sais, quand tu es capable de fonctionner de même, tu ne peux pas fonctionner de même avant le temps. Là, mais là, je commence à vous donner des projections. Ça va marcher. Quand vous faites jouer des tours, c'est parce que vous anticipez le mouvement de l'esprit. Quand vous faites jouer des tours, parce que vous êtes psychique. Si vous fonctionnez psychiquement, vous allez toujours faire jouer des tours. Si vous fonctionnez mentalement, vous ne ferez jamais de jouer de tours, parce que quand vous fonctionnez mentalement, vous n'êtes pas impliqué dans l'action que vous faites. Vous faites l'action, mais vous n'êtes pas impliqué dedans. Tandis que quand vous fonctionnez psychiquement, vous êtes impliqué dans l'action, surtout dans l'action de l'avenir, c'est là que vous faites jouer. Le temps d'une action doit être contrôlé par la vibration et non dirigé ou contrôlé ou manipulé par la subjectivité de votre compréhension expérientielle. Bien sûr. Moi, j'emploie le mot subtil tout le temps parce que je sais ce que ça veut dire subtil. Ça se comprend, ça peut le pas. Ça passe. Ouais. À un certain moment, tu as l'intellect, là, vous. Ouais. D'abord, agir psychiquement, ça veut dire agir Agir psychiquement, c'est agir en relation avec des fonctions intelligentes, intuitives ou mentales, qui sont déterminées par un état émotif. Tandis qu'agir mentalement, c'est agir dans une dimension interne qui n'est ni dans le futur ni dans le passé, mais qui est totalement dans le présent et qui n'est totalement pas impliqué dans la conséquence de l'action. Quand tu agis mentalement, tu agis toujours en puissance. quand tu agis psychiquement, tu agis avec le désir de créer un équilibre nouveau. De sorte que si tu agis psychiquement, tu vas essayer d'agir en relation avec une prise de conscience ultérieure à l'action. Si la prise de conscience ultérieure à l'action t'indique un obstacle, tu ne vas pas agir psychiquement. De sorte que la dimension de ton expérience va être diminuée. Bon, je vais vous donner un exemple. Oui, ce que je reste, là, la rivière, le lac qui est attrapé par le sa route, c'est ridicule. Le loup, elle creuse, elle travaille la route, là, puis j'ai, un espace aussi grand que mon corps. Plus grand que mon corps. Là, le gars, les gars, j'ai dit, venez arranger ça, là, parce que ça va. Fait que les gars sont venus, là, ils étaient parkés devant, ils sont descendus de la route, là, de l'autre bord de la route, les autres sont descendus, là. Ils étaient parkés juste devant la rivière qui traverse ma route. Puis moi, je m'en venais juste devant eux autres. Je me suis arrêté à rivière, traverse ma route. Puis à un certain moment, j'ai embrayé mon char, puis j'ai rentré dans la rivière, puis j'ai passé à travers la rivière, puis j'étais arrivé bord. Les gars avaient des yeux grands comme des petits. J'ai agi mentalement. Mon char, il flottait, tout le seul. Si j'avais agi psychiquement, là, j'aurais fait d'overtime, j'ai dit, ouais, bah, si je fais ça, peut-être que je vais pas peut-être que je pas. En tout cas, si j'avais agi psychiquement, je l'aurais pas fait. Parce que mon émotion aurait anticipé la valeur de l'action ultérieurement. Ça, c'est très mauvais. Tous les ans. On appelle ça un acte pur. C'est un acte pur. C'est mental. C'est vibratoire. C'est plus psychique. Il n'y a plus d'intellect, là, puis de calculer, puis de mesurer, puis moi, tu parles de mon char. Tu sais, comment c'est? Ouais. C'est dans le présent. Il n'y a pas de futur, puis il n'y a pas de passé dans ton esprit. C'est dans le présent. La vibration passe dans le présent. Elle passe pas dans le futur, la vibration. La vibration, elle passe toujours dans le présent. Jamais dans le futur. Elle détermine le futur. J'aurais pu être poigné aussi. J'aurais sacré un mot du corps de l'autre. Mais maintenant. Mais ce que je veux dire, ça c'est bien important plus tard, parce qu'il va venir un point dans la vie des hommes où tant que l'homme ne fait pas face à des grands problèmes de vie, mais c'est quand l'homme fait face à des problèmes de vie radicaux, des guerres. D'une guerre, t'as pas le temps de fonctionner psychiquement. Si tu vas fonctionner psychiquement, t'as une balle qui te rentre d'une cuisse, ça c'est sûr. Faut que tu fonctionnes vibratoirement d'une guerre. Je vous donne l'exemple d'une guerre. Les grands événements. Puis quand tu fonctionnes vibratoirement dans une guerre, t'es inatteignable. Tu peux pas être atteint, c'est impossible. Parce que quand tu fonctionnes vibratoirement dans une guerre, tu fonctionnes en relation avec une vibration, une énergie, qui n'est pas soumise à ton ego. Et à ce moment-là, ton ego véhicule cette énergie-là, ton ego se sort de toutes les situations qui peuvent se produire. Est-ce que lui pourrait-il, à ce gars-là, être un ego mental? C'est toujours en relation avec ton évolution. Les cas des héros, c'est des exemples. Les gars, ils passent à travail et tout, puis tout le monde perd. Non, mais les autres. Je veux dire, si t'es dû pour mourir durant la guerre, tu fasses n'importe quoi. Mais t'es pas supposé mourir durant la guerre. Quand t'es conscient, tu sais quand est-ce que t'es supposé mourir, tu meurs quand tu veux. Tu meurs pas quand ça se fait, la patente. Tu meurs pas en relation avec les événements planétaires. Tu meurs quand c'est le temps de mourir, puis tu le sais quand c'est le temps de mourir, puis tu peux pas mourir avant. Alors, il y a des consciences, il y a des conditions absolues à la conscience. Et une des conditions absolues à la conscience, c'est que quand tu meurs parce que tu sais que c'est le temps de mourir. Tu meurs pas comme les hommes meurent. Bon. Quand, dans la question de la mort, qu'est-ce que se situe dans le cas de l'inconscience de l'homme? Dans le cas de la conscience supramentale, dans le cas de la conscience universelle de l'homme, quand tu es conscient, tu meurs quand c'est le temps. Pas avant le temps. Mais c'est pas exactement la mort, c'est faire ce qu'il y a à faire dans les relations, mais ça va compter pour toi. Ça va toujours pour toi. La vibration, c'est la vie. La vibration, c'est la vie. Ça va toujours pour toi. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être que tu ne le réalises pas tout de suite. Tu laisses passer la vibration, tu laisses passer la vibration, tu laisses te payer un petit peu de temps en temps. Mais il va venir un jour que tu vas en avoir besoin de la vibration. Ça va être là. Mais si tu n'as jamais laissé passer la vibration, à ce moment-là. Laissez passer la vibration, sentir la vibration, puis laisser passer la vibration, c'est un exercice de tous les jours. Parce qu'à chaque jour, il y a des conditions qui viennent où on la sent, la vibration. Puis si on la bloque, la vibration psychiquement, il va venir un jour où cette vibration-là, où on l'aura de besoin, on l'aura pas. Vous voyez, vous allez voir, c'est ça, exactement. Mais comme on fonctionne psychiquement, qu'on fonctionne en relation avec le passé et le futur, quand il y a une situation, une expérience difficile, là, on pense en relation avec l'avenir ou en relation avec le passé. On ne fonctionne jamais dans le présent. C'est avec la vibration qui fonctionne dans le passé. Le psychisme ne fonctionne pas dans le présent. Il fonctionne toujours en relation avec un avenir ou un passé. Dans le présent, c'est la vibration qui fonctionne. Puis ça, cette vibration-là, quand elle part, il faut être capable, autrement dit, il faut être libéré du psychisme. Faut être mental, neutre. Puis là, la vibration passe, tu fais le mouvement. Un exemple, c'est dans ces états-là, dans ces situations-là, qu'on la sent, la vibration. Quand vous dites mental, vous voulez pas mental supérieur. Laissez faire mental supérieur, mental à gauche, mental à droite, mental à l'intérieur. C'est mental. Pourquoi est-ce que vous avez de la misère à l'entendre? Parce que pendant des années, vous étudiez pour vous développer des concepts philosophiques, puis vous développez des concepts pour pouvoir des nuances entre mental intérieur, mental supérieur, supramental. Fait que ce qui arrive, c'est que quand vous rencontrez un gars comme moi, qui n'est pas attaché aux mots, là je suis obligé de tout vous dire, il y a mental ici, puis mental là, puis mental là, puis mental là. C'est là que vous n'êtes pas du tout, vous faites prendre. Dans vos études occultes ou ésotériques, vous faites prendre parce que vous divisez tellement la réalité que là, c'est rendu que je peux plus dire mental, là, parce que là, vous allez demander si mental inférieur, mental supérieur, mental à gauche ou mental à droite. Voilà. C'est là que je vous dis, divisez pas la réalité. Si je vous dis mental, c'est mental. Alors, je peux pas savoir si c'est mental en haut, deuxième, ou troisième, ou quatrième degré, ou tout ça. Mental, c'est mental. S'il faut que je parle de mental d'une certaine façon pour le contre-différencier à une autre sorte de mental, je vais développer un autre mot, je vais envoyer un autre mot, le psychiste. Attachez-vous pas au mot. Vous ne pouvez pas vous attacher au mot pour me comprendre. Je suis obligé de vous détacher des mots pour ensuite pouvoir me servir des mots comme je veux à ma façon. Pour vous faire saisir ce que je veux dire. Les mots, mental, intérieur. Quand vous serez mental, vous allez. Mais le point que je veux faire, c'est que plus on devient conscient, plus on devient mental, supramental. Plus on devient neutre. Plus on sent la vibration. Dans les événements qui sont difficiles, parce que c'est là que la vibration, on sent le plus sa pulsation. Des fois, il y a des décisions à prendre. Puis quand on est mental, on la prend, la décision. Puis la décision du mental est toujours dans le présent, elle n'est jamais dans l'avenir, jamais dans le passé. Elle ne prend jamais rien en considération. La décision du mental pur ne prend jamais rien en considération. Vous autres, psychiquement, vous pouvez prendre une chose en considération, je vous le suggère d'ailleurs pour un certain temps. Mais je vous dis qu'un jour, vous viendrez où vous ne prenez rien en considération, c'est la vibration qui passe dans l'ego, c'est l'ego qui s'ajuste à la vibration instantanément, c'est l'ego qui fonctionne. Vous êtes dans la loi, dans ce que j'appelle la loi de l'action. C'est une forme de créativité. Ça peut s'appliquer sur le plan intelligent, créative, c'est sur le plan de l'action créative. Tout ce qui est vibratoire, c'est créatif. Si vous allez faire caca créativement, c'est créatif. Tout ce qui est vibratoire, c'est créatif. Ça fait partie de la vie. Être créatif, ça veut dire que ça fait partie de la vie. Ça s'applique au niveau des mots, c'est créatif. Ça s'applique au niveau d'une action, c'est créatif. Vous pouvez être créatif passivement ou créatif activement. Vous pouvez être créatif à rien faire, vous pouvez être créatif à faire. La raison pour laquelle je vous parle de cette cellule de l'esprit, c'est que vient un temps où on s'aperçoit que notre esprit est comme emmagasiné dans une énergie. Il est comme envoyé dans une énergie. Ça, on s'en aperçoit quand ça va mal. Quand ça va mal, là, il y a comme un mur quelque part. Il y en a-tu plus comment ça? Il y a comme un mur. Il y a comme pas de sortie. Là. À ce moment-là, quand vous sentez ça, là, assez de sortie. Quand vous êtes dans le labyrinthe, restez là. Courez pas comme des souris dans le labyrinthe. Vous allez vous faire manger par le minotaure. C'est votre imagination. Quand vous êtes dans le labyrinthe, asseyez-vous dans un coin du labyrinthe, une cigarette. Prenez ça. Puis après ça, ce qui va arriver, c'est que le labyrinthe, tous les petits couloirs du labyrinthe vont devenir très clairs. Et si vous faites comme les Grecs, vous vous sauvez à gauche par là. Vous avez le mot du parce que ça, c'est fait. C'est vibratoire. Quand tu sens cette affaire-là, il n'y en a pas de porte de sortie. S'il n'y en a pas de porte de sortie, là, c'est pour vous entraîner à vous autres à fonctionner dans votre esprit. C'est pour vous entraîner à fonctionner à... Il dit, regardez la situation. Supposons que de suite à l'heure, là, il y a une bombe atomique qui tomberait sur Montréal. Virus, tout le monde fait du Canada. Là. Tout le monde pète. La police, les... Je vais vous faire. Ça arrive à l'État. Tout le monde freak, tu sais. Tout le monde. Il n'y a qu'une façon pas plus. Parce que quand ça va arriver, là, il va y avoir comme un étau dans votre tête. Cet étau-là, cette énergie-là, ça, c'est le supramental. Puis là, là, à l'intérieur de cette cellule-là, vous avez votre petit égo. Petit petit nœud de cette énergie-là. Puis là, là, dans votre expérience, là, vous dites souvent, il n'y a pas de porte de sortie. Vous êtes mal à l'aise. Pense-moi faire en sortir. Tout le jeu de l'ego là, qui est pris dans cette énergie-là. L'ego, il n'y a rien qu'une chose à faire dans cette énergie-là. S'asseoir. Vous voyez quoi? L'ego, il attend. Quand l'ego s'est saisi, là, quand ça va mal, là, et qu'il s'est saisi, sinon l'autre, il va attendre 5 minutes, il va attendre une heure, il va attendre une heure. D'un coup, là, il y a un mouvement qui vient. Il y a un mouvement qui vient. Ouais. Là, il y a un mouvement qui vient, là. Puis là, l'ego commence à suivre le mouvement, puis il sort. Il a fait. Il y a des trous. S'il panique, l'énergie-là va devenir plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Parce qu'il va rentrer l'émotion là-dedans. Des pensées, là. Plus fort, plus fort. Quand ça va mal dans ce que j'appelle la cellule de l'esprit, quand ça va mal, vous avez la tête coupée, là, comme du ciment, prenez un coup. Faites rien, asseyez-vous, attendez. Je vous dis ça pour vous habituer à fonctionner mentalement. Quand vous allez apprendre, ça, c'est n'importe quoi, le divorce, les causes, toutes les bébêtes de la vie, que ce soit n'importe quoi, attendez. Attendez. Laissez faire les choses, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a qu'une chose que vous pouvez faire, c'est vous concentrer. Plus vous allez être sensible aux vibrations, plus vous êtes susceptible de vous concentrer. C'est ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand il y a une situation de panique, une situation intense, un événement, faire d'un job, c'est pas un événement. Je parle d'un événement. Chercher une job, ça, c'est pas un événement. Ça, ça fait partie de ta vie de tous les jours. Je parle d'un événement. Il y a un événement qui arrive. Paf! Puis à part ça, t'es gâte, t'es comique, comment tu te trouves des jobs? Où tu dépenses du gaz? Je comprends que tu dépenses du gaz. Parce que quand tu cherches un job, tu cherches 500 000 à ronde. cherche pas 500 000 à la ronde. Prends un fourneau. Regarde un fourneau. Des fourneaux, là, tu vas à un autre. Des fourneaux, tu vas être amené à parler à quelqu'un. Puis de quelqu'un, tu vas être amené à parler à une autre personne. Faut que tu parles de toi, prochain job, pas de l'extérieur vers toi. Tu vas te gazer. Part de chez vous, tu vas déjà. Part des journaux. Tout ça, des journaux. Part des journaux. Les compagnies. Après ça, tu t'en vas de même. Tu vas-t'en pas de même d'abord tout de suite pour venir chez vous. Ils vont te faire faire le tour de la ville. C'est vibratoire. Il y a des façons de se trouver une job. La meilleure façon, c'est partir du niveau de l'information qui est proche de chez vous. Ça, c'est pour nous. Et ensuite, tu manges. Tu vas te faire à quelqu'un, tu es content. Tu vas à une compagnie là, tu vas à une compagnie là, tu vas à une compagnie là. Je comprends, tu vas dépenser le temps. Tu vas dépenser l'énergie. Et à part ça, ta job, tu peux pas avoir ça. Tu peux pas vouloir un certain temps. Il y a un temps pour ta job. Entre le temps de ta job, l'effort que tu fais, oui. Il y a un équilibre. Mais ça, c'est vibratoire. C'est dur pour moi de t'expliquer ça. Parce que c'est vibratoire. Tu peux te trouver un job psychiquement ou tu peux te trouver un job mentalement. Il y a deux façons de trouver un job. Si tu trouves un job mentalement, tu vas aller bien vite que si tu vas en chercher psychiquement. Mais ça peut être. Mentalement, ça peut impliquer que tu n'auras pas la vibration pour une semaine de temps. Là, une semaine, tu fais le mouvement. Tu fais le mouvement. Et ensuite, ta coupe, puis ensuite, t'apprends. Si tu vas psychiquement, tu vas dépenser bien d'énergie pour trouver une job. Mais fonctionner mentalement au niveau d'une job, au niveau des choses, des vies importantes, il faut sentir la vibration. Ça, on le sent quand on le sent. C'est vrai. C'est comme si j'avais été portée, parce que, en ouvrant la porte, les enfants m'ont averti, là, les vibrations, le chaleur, je rentrais à la porte. Mais, du moment où j'ai sorti la maison, j'ai dit, ben, c'est pas, sans y penser. Moi, si j'ai senti avec des sons sans y penser, j'avais un voiture qui m'attendait sur le lit, là. Mais je pensais pas, là. Je voyais juste la situation. Quand je suis arrivée sur les lieux, j'avais juste une question secondes pendant l'ambulance. Il y avait juste des mots qui sortaient, la foule était difficile. Je pas de l'expliquer. Je la moitié de la femme qui avait une utilisation pour faire le film, là. Je disais, il y a rien d'autre, c'est pas grave. Je disais, il n'y aura pas d'autre chose. Je ne peux plus parler, c'est tout ce qui est fait. Mais le temps m'a dit, là, il va prendre son utilisation, je l'en ai. Il y a 5 personnes qui l'ont arrêté. Je dis, là, ça n'a pas conscience, je voyais pas les gens. Il y a des temps qui m'a dit, puis je me disais, je comprenais à quoi la force, là. Ce qui arrive, vous autres, quand vous fonctionnez mentalement, la force est tellement grande que vous vous sentez mieux. Il faut que vous en arriviez à pas vous sentir né, mais à sentir la force. Ah, c'est nous autres. Ouais. Pas que vous autres que vous menez. Non, mais menez pas dans le sens comme un automate. Ça, c'est analyse le se sentir, c'est les idées. Là. Ouais. De ça. Fonctionner, là, faire un mouvement, là, puis dire. Vous êtes sûr que c'est ça? Si vous n'avez pas de question, c'est ça. C'est parce que la vibration vient quand même en fonction de son environnement. Non, mais oui. Tout vient en fonction seulement. C'est psychiquement, souvent, on interfère avec cette vibration-là. C'est ça. Mais il ne faut pas, au début, quand on sent cette énergie-là, on se sent mieux, on se sent comme des robots. Il faut en arriver à la vie, cette vibration-là, d'une façon bien normale. Parce qu'elle fait partie de nous autres, anyway. Seulement qu'elle est activée sur un autre plan de notre conscience. Une fois qu'on commence à s'habituer à cette sorte de vibration-là, puis au genre d'action qu'elle peut nous faire faire, on s'aperçoit que ça va bien vite, les actions. Mais le danger, si on interprète mal ce que je dis, dans le sens que si on ne comprend pas bien ce que je dis, on va déduire que ce que je veux dire, c'est l'équivalent d'une prise de conscience. C'est pas une prise de conscience. Faut que tu l'aies déjà la conscience quand tu fonctionnes de même. C'est une C'est une action pure. Une prise de conscience n'implique pas nécessairement une action pure. Il y a des gens qui ont des prises de conscience et qui fonctionnent psychiquement. Mais pour fonctionner au niveau de l'action pure, c'est de fonctionner dans le moment réel de l'événement. Dans ce moment-là, il n'y a pas de prise de conscience. Tu es déjà dans la conscience. C'est marqué dans la loi de l'action. C'est une loi d'action. C'est une action pure. Qui n'est rattachée au présent, puis au futur, qui n'est rattachée au passé. Quand on commence à fonctionner comme ça, on s'aperçoit une chose. On se facilite la vie énormément. C'est là qu'on se facilite la vie. Parce qu'une fois que tu fais l'action, même si elle te pète d'en face l'action, il n'y a rien là parce que tu es dans le mental. Si eux autres veulent te tourner pour t'amener à un plus haut niveau vibratoire du mental, ils peuvent te faire faire l'action. Tu vas avoir une valeur antérieure négative. Comme moi, mon char aurait bien pu être pogné dans l'eau. Là, il aurait fallu que le gars me tire, tout ça. Il n'y a rien là. Quand tu es dans le mental, il n'y a rien là. Quand tu es dans le mental, il ne peut pas y avoir quelque chose là. Parce que c'est ça, être dans le mental. Quand tu es dans le mental, tu n'es pas dans le psychique. Quand tu es dans le mental, il n'y a pas de valeur psychologique attachée à la qualité de l'action. Il n'y a aucune émotion. C'est comme une boîte. Mais la boîte est pleine d'énergie puis tu fonctionnes avec cette énergie. Il n'y a pas d'émotion dans le mental. Dans le psychique, il y en a. Puis pour vous amener à fonctionner dans le mental, c'est évident qu'ils vont être obligés de vous créer au cours des années des situations intenses pour que vous vous syntonisiez à cette énergie-là. Pour que vous ayez une idée jusqu'à quel point vous êtes dans le mental. Pour que vous puissiez réellement voir si vous êtes dans le mental ici ou dans le mental là. Dans le mental là. Puis quand même, vous seriez dans le mental site au lieu d'être dans le mental là, vous ne pourrez pas vous mettre dans le mental là. Ils vont vous amener dans le mental là. En vous créant d'autres situations, en étant écœurant. Jusqu'à temps que vous en arriviez dans le mental là. Mais plus vous allez monter dans le mental, plus la vibration du mental va monter, plus cet état, plus cette cellule de l'esprit là va devenir une expérience réelle. Dans votre mental, quand vous allez faire face à des expériences intenses, pas des expériences qui sont intenses, mais dans des expériences intenses, comme des accidents. Il se passe quelque chose quand il y a un accident. C'est comme tu gèles. Tu contractes tout quand il y a un accident. Il y a comme une concentration d'énergie qui se passe. C'est dans les situations, les pertes de job. Le boss s'agrave. Il y a une contraction qui se fait. Aussitôt que l'ego est affecté, aussitôt que l'ego est attaqué dans l'équilibre de son ego, aussitôt que l'ego est forcé de vivre temporairement une situation en dehors de l'ordre et de l'harmonie, du calme, là, l'ego sent plus ou moins cette énergie. Puis quand tu deviens conscient de cette énergie-là, aussitôt qu'il y a une petite crotte qui se passe dans la vie de l'ego, il sent. Puis quand tu deviens bien conscient, la moindre crotte dans la vie de l'ego, il sent. De sorte qu'éventuellement, cette énergie-là, là, aussitôt qu'il y a quelque chose qui va mal, tu le sens. Fait que là, tu deviens mental. Puis là, il y a un processus inverse qui se produit. Éventuellement, l'ego ne plaint plus de cette énergie-là qui sent. Parce qu'elle est forte. C'est là que l'ego commence à développer de la valeur. Quand tu commences à sentir l'énergie de la cellule de l'esprit, c'est comme un piège qui t'impose, l'autre. Quand c'est un piège qui t'impose. Là, l'ego commence à se dresser. C'est là que la volonté de l'âme commence à se manifester. Si ta volonté de l'âme est très forte, est très grande, est très puissante, puis t'agrandis. Parce que eux autres savent à quel niveau ils vont vous amener dans cette conscientisation de l'énergie dans le mental. Puis vous allez vivre les expériences qui sont liées avec ça. Puis eux autres, s'ils veulent vous faire monter un petit peu plus haut en vibration, ils vont vous donner des petits événements qui vont vous rendre conscient de cette force-là dans votre mental. Puis à un certain moment, au début, vous allez vous rendre compte que cette force-là est très grande, puis qu'elle semble vous enlever tout votre pouvoir d'action. Tout votre pouvoir d'action. Le gilet, là, votre l'esprit est affoui. L'esprit est estomaqué. Puis après ça, quand vous êtes habitué, là, l'esprit n'est pas estomaqué, il attend. Donc, il y a deux phases là-dedans. Il y a la première phase où votre esprit est totalement estomaqué, là. Vous savez pas quoi faire de perdu, là. Ouais, je suis en comme une inondation de votre maison, vous levez le matin, là, vous avez de l'eau jusqu'à la fin. C'est un exemple. Alors, votre esprit est estomaqué. Puis quand vous êtes mental, il n'y a rien là. Vous descendez dans la cage de chachal, là, pour pas sur la tête. Comment est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que fait un événement, là, comme ça, l'exemple, là, moi, là-bas, le toilette transverse, je ferme la porte, puis je m'en vais, je viens pas le faire. Bon, mais c'est ça. C'est exactement ce que je veux dire. Mais, tu sais, si mon auto est grand qu'à 5-4, là, je me dirais, c'est pas grave, c'est de la cause. Parce que ça me touche pas. Mais ils vont toujours toucher aux petits trous de cette place. Pourquoi pas dire, mais ça me fait une grosse chose pour une autre personne qui le fait. Ça veut dire que s'ils veulent me toucher, ils vont m'inonder. C'est ça. Si ils n'ont pas de toilette, ils vont pas être au vigolette. On a vécu. C'est le deuxième pour toi. Ils se prennent toujours, ils vont toujours vous prendre dans vos points faibles. Tout le temps, tout le temps. Le principe du concept de la cellule de l'esprit, c'est un principe qui est très, très occulte. On le réalise, ça, ce phénomène-là, quand on a bien souffert. C'est quand on a souffert pas mal, nous deux autres. Le tourner, quand on a été tourné. Il y a un point, là, c'est bien concret, cette affaire-là. C'est là qu'on développe une volonté extraordinaire. C'est à partir de ce moment-là que ça devient de plus en plus difficile pour eux autres de nous faire souffrir. Parce qu'on n'a plus d'émotion. Ça les empêche pas de nous créer des situations, mais ça ne nous touche pas. Quand t'es rendu que t'es plus touché, là, comment est-ce que le monde saute qu'il est là? Il est là le point. Parce qu'il y a bien des gens qui sont psychiques aujourd'hui, des gens, des spirituels, tu sais, tu t'imagines, ils vont être sauvés, là, tu sais. Ils vont être sauvés, eux autres. Les petites mêmes, eux autres. Tu sais, on va tout quitter. Mais, quand ça va venir, les situations, on les vivra pas de la même façon. Il y en a qui vont changer de plan. Il y en a qui vont être bien neufs. Il y en a qui vont craquer, il y en a qui vont compléter, il y en a qui vont se suicider. Il y a toutes sortes de réactions à ces situations-là. C'est pour ça que je dis que c'est important d'apprendre pendant que ça va bien, relativement. Comment vivre cet étau d'énergie-là qui est dans notre tête quand la toilette saute. Fait que si votre toilette saute, vous capotez. Tout à l'heure, quand les tangs vont passer dans la maison, vous allez capoter encore bien plus. C'est ça que je veux dire. Je vais donner un exemple. Là, ça a l'air hors de contexte. Parce qu'on est en 1980. Tout à l'heure. L'homme doit être capable de vivre les événements de sa planète sans être bouleversé. Comme ça, par les événements. Il n'y a qu'une façon, c'est en état mental. En pouvant vivre dans cette enveloppe d'énergie-là qui monte à notre tête quand il se produit quelque chose ou qui nous sert dans le cœur quand il se produit quelque chose. C'est un casque d'astronaute. C'est un casque. Puis on le sent, moi je le sais, quand ça se produit, cette affaire-là, ma tête, elle vient. Seulement, je me mets dans le centre de ça, là. Tout le monde. J'attends. Tu vas se prendre un œil, tu es comme laissé passer. Quand tu te mets en œil, tu laisses passer le temps. Mais quand l'impression qu'on ressent, c'est un empêchement d'énergie qu'on crée, puis ça vient, puis là on l'arrête, parce qu'on a des émotions face à la situation. Maintenant, il faut se faire, pour que ça arrête, ça part. C'est ça. Parce que cette énergie-là que tu as ici, elle est faite d'émotions. Puis elle est faite d'idées. C'est une sorte d'égrégore. Cet égrégore-là, il devient bien, bien intense, puis il vibre bien fort. Et aussitôt que il y a une situation qui menace l'ego. Ouais. Et à ce moment-là, faut que l'ego soit pas menacé. Si l'ego se met au nerd, s'il est capable de se mettre au nerd, boum! L'énergie va demeurer. Mais l'ego en souffrira pas. Ouais, t'en souffres pas. Quel que soit l'événement, t'en souffres pas. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut te toucher. Mais si tu commences à te péter contre les murs, là, cette énergie-là, c'est là que tu vas te péter longtemps. Peut avoir des réactions, mais elle est toujours là. Là, quand tu t'aperçois qu'elle est encore là, là, on a le mouvement, il ne vient pas, il peut venir dans 6 mois, ce mouvement-là. Qui fait que ça, ça va te dégager. Ouais. Ça crée ça. Ouais. Mais en général, quand cette énergie-là est déclenchée par un événement, l'événement est toujours un événement qui est très, très près de ton présent. Ouais. Ouais. Si tu perds ta job aujourd'hui, l'énergie, cette énergie-là vient. Puis peut-être que tu vas te trouver une job un peu plus tard. Mais le choc à ton ego est lié à la perte de la job tout de suite. Puis c'est tout de suite que ton ego doit pouvoir se mettre dans ce fameux neutre-là. Puis ensuite, là, l'énergie se dégage. Là, tu t'en vas chez vous, t'es bien parce que tu travailles pas. C'est vraiment le rêve, là. Et après ça, tu s'en vas chez vous. Et éventuellement, il y a un point où tu as besoin d'argent, avec là, tu trouves un autre job. Mais tu souffres pas d'avoir perdu la job. Mais c'est ça, là. La prochaine job, tu vas trouver, c'est là que je veux dire que ça peut prendre 6 mois avant que le mouvement se fasse. Oui, d'accord. D'accord. Puis dans ces 6 mois-là, à l'intérieur de ces 6 mois-là, tu vas sentir encore de temps en temps cette énergie-là. Elle va revenir. Puis là, tu te mets au vent. Puis elle s'en va. Puis ensuite, elle revient, tu te mets au neuf. C'est comme un étau, ça va. Y en a-tu qui ont fait l'expérience de cet étau-là? Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Vous apprendre à pas vous énerver, quand tu ris encore, pas encore, de rien. C'est ça. Quand vous arrivez ici, là, vous êtes sérieux, vous êtes tout énervé. Pensez-vous que ça change quelque chose dans la pièce si vous arrivez en retard? T'as arrivé une chaise. Quelle différence qu'il y a entre volonté et résistance? La résistance, c'est la capacité de subir les chocs vibratoires qui viennent en relation avec les événements quand vous êtes dans la sensibilité de cette énergie-là. C'est ça la différence entre la conscience et l'inconscience. Quand tu es inconscient, tu réalises pas ça, cette énergie-là. Tu réalises ta valeur psychologique de l'expérience. Mais quand tu deviens conscient, tu réalises cette énergie-là. Tu réalises une force, tu réalises une volonté au-dessus de toi, là, qui t'aide. Fait que là, tu développes de la résistance. Puis avec le temps, tu deviens énormément de résistance, puis avec le temps, tu n'as plein de cul de développer de la résistance. Tu commences à te juger toi-même. Tu t'assises. Quand tu es rendu, là, que tu n'as assez, là, parce que tu sais que tu n'as assez, là, eux autres, ils savent que tu parles encore un petit peu, là, ils vont t'essayer encore. Paf! Là, réellement, tu n'as assez, mais les autres savent que tu peux avoir encore un petit peu, puis là, c'est le temps d'un autre. Paf! Puis à un certain moment, tu sais que tu n'as assez, puis quand tu n'as assez, paf! Là, ta marche. C'est là, que tu commences à réellement organiser ta vie, dans tous les domaines de ton existence. C'est là que ta volonté. Vous n'aurez pas de volonté tant que vous n'aurez pas le pouvoir de déterminer la nature limite de votre résistance. La volonté que je parle, c'est pas la volonté de toujours. Joseph Murphy, c'est pas ça que je dis. La volonté que je parle, c'est la volonté qui est une réaction absolue de votre esprit contre l'esprit universel. Puis ça, c'est un équilibre entre vous autres deux. Quand vous l'avez, c'est le cas pour vous l'enlever, vous l'avez. Ils vous ont amené à ça. Ça, c'est une volonté créative. Laissez-moi dire, c'est bon. C'est comme vous êtes autonome avec l'énergie qu'on accumule. C'est ça. Vous êtes autonome avec l'énergie de la vie. Là, il n'y a plus rien à vous arrêter. C'est très longtemps de faire ça. Quand il arrive quelque chose, il y a une petite fille qui attend la voiture. Il n'a pas amené une part. J'attends juste que je ne réponds pas. Non, c'est pas que ça m'amènerait. J'ai pris l'attitude, et quand il y avait des choses, je réagis pas, mais c'est tout. Ouais, ok. Ça, c'est la première fois. Mec, si. Ça fait longtemps que je disais. Ouais, d'accord. C'est pas fini. Attends 82-83, là. Attends au mois de juillet 82, là. Ça m'a fait longtemps de vie. Juillet 82, là, tu vas commencer à réagir à l'énergie. Là, tu réagis pas à l'énergie. En 82, tu vas commencer à réagir à l'énergie. Parce que l'énergie va commencer à te bousculer en 82. Tu vas commencer à la sentir en toi. Concrètement. C'est là, là, que ça va commencer le phénomène de la volonté. Parce que le phénomène de la volonté, c'est le dernier des phénomènes dans l'homme. La seule chose qui a fini, c'est ce qu'on a, c'est l'opinion des autres me disait, réagir, c'est ça. Mais là, on est fini de ça, je vais séparer. Ouais, ça, c'est au niveau de développer des attitudes créatives. Mais la volonté, ça n'a rien à faire qu'une attitude. La volonté, c'est un pouvoir interne qui résulte de la souffrance. C'est une forme de révolte. C'est une révolte. C'est pas une forme de révolte. C'est une révolte. Parce que tu dis, ça t'arrive, ça, là, tu fais la tu passes dans le noir, là. Puis là, comme ça, là, les filles, là, ben, la ferme. Ça, c'est parce que t'es écoute, venant, c'est parce que c'est ce que tu fais. Ça dépend de la situation. Ils peuvent te dire, attends, parce que tu peux pas agir. Mais si tu pouvais agir, t'attendras pas. Mm-hmm. Vous autres, au stage où vous en êtes dans le développement de la conscience, vous êtes encore au stage. Vous êtes encore esclaves de l'esprit. Vous êtes conscient de l'esprit. Vous êtes conscient du contact. Vous êtes conscient de la vibration, de la présence en dehors du contact. Mais vous êtes encore esclaves de l'esprit. Il viendra un jour où vous ne serez plus esclaves de l'esprit. Tant qu'eux autres te disent « attends », bien subtil, ça, je suis content de faire. Eux autres vont te dire « attends » quand tu n'as pas les moyens. Mais quand tu as les moyens, tu n'attends plus. Je vous donne un exemple. Moi, durant l'initiation, quand j'avais pas une scène, ils pouvaient me dire, bon, ben, attends, ça va s'arranger dans 3 mois, j'avais pas le choix. J'attends, puis je développe la visite, puis je développe la visite, puis je développe la visite. Mais aujourd'hui, si je veux quelque chose, puis j'ai les moyens d'aller chercher, ils ne peuvent plus d'attendre. Ils peuvent plus me dire, attends. J'y vais. Parce que je suis plus esclave des autres. Mais pour en arriver à plus être esclave de l'esprit, il faut avoir développé une résistance contre la volonté de l'esprit. Puis à ce moment-là, Charlie t'attend. Résister à la volonté de l'esprit. Ouais. Être capable de se rebeller contre. Mais tu peux pas te rebeller contre s'il faut pas partir. Faut que pour une résistance, faut qu'il y ait un mur. Et à un certain moment, ta volonté est tellement forte qu'elle pète le mur. Et à ce moment-là, il y a un équilibre entre ta volonté et leur volonté. À ce moment-là, t'attends. Si tu as les conditions, t'attends plus. Parce que si tu as les conditions, ça fait déjà partie de ton pouvoir d'action. Mais vous êtes encore esclave de l'esprit parce que vous êtes encore sujet à la domination de l'esprit sur votre esprit. Exactement. Ça, c'est une des lois les plus occultes de l'humanité qui vient. Il te fouette jusqu'à temps que tu en arrives à prendre le fouet, puis refouetter la condition dans laquelle tu tombes. Accepter que la force est là, tu m'as dit, t'arrêtes de te battre contre ta propre pensée. tu te bats contre jusqu'au moment où tu es capable de te battre contre à un point tel que tu es capable de développer la volonté, de descendre l'énergie de l'esprit du ciel. Parce que la volonté, c'est l'énergie de l'esprit. Ça, c'est l'énergie qui te bat contre. C'est ça. T'as saisi cette affaire-là. Puis là, tu t'en sers. Puis là, tu t'en sers. C'est ça. Mais ça, c'est pas une chose que vous pouvez atteindre parce que vous le voulez ou parce que vous le désirez. Parce que c'est vibratoire. C'est une vibration.